DKL, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr. Hey Sandro, j'ai retrouvé un Kit Kat dans le bureau. Oh, tu le veux ? Ah non, c'est bon, merci. J'ai été voir ma nutritionniste, je commence le régime aujourd'hui. Oh, ça va, tu le commenceras demain ton régime. Tu vas pas gaspiller un Kit Kat quand même. Alors ? Mais non, c'est bon, je te dis, je commence le régime aujourd'hui. Mais le Kit Kat, je le mangerai demain. Mickaël n'est pas belge. Il n'est pas radin. Je n'ai pas une petite nature. Il n'a pas de cheveux blancs. Voilà, comme ça il sera content. Puis, quitte à mentir aux gens, autant le faire jusqu'au bout. Mickaël n'est pas sur Énergie du dimanche au vendredi. Tout ça n'est qu'un mensonge, une conspiration. 21h minuit. 21h minuit, c'est pas Mickaël sur Pas Énergie. Voilà. Voilà, exactement, en toute simplicité. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bon, bonne nouvelle Sandro, ce soir, il n'y a pas de foot. Ouais, t'es sûr? Rien de rien? Ouais. Non, même pas un petit match de Ligue 2. Eh ouais. Oh putain, mais c'est trop triste les gars. Ah, ah t'inquiète pas, demain tu auras un très beau Le Havre Laval qu'on pourra suivre en direct. Oh. Ah merde. Bon, sinon ce soir, faut que je vous fasse écouter l'enregistrement d'un centre d'appel des pompiers. C'est pas vrai, on exclut l'appel de Loana quand elle a été retrouvée inconsciente chez elle. Non. Ah non, c'est l'appel d'un mec qui n'a pas bien compris le principe du 18 en fait. Ah non, ouais, je pourrais parler à une femme, s'il vous plaît. À qui? Une femme. Une femme. Il a cru qu'il était sur une ligne de cul, le gars, en fait. Bah, tu verras tout à l'heure, mais t'es pas loin de la vérité, cela dit. Bon, on vous passera aussi des extraits de la présentation de Doc Gynéco dans Next. Ouais, pour ceux qui connaissent pas, Next, c'est une émission de dating. Yeah. Oh, yeah. Il paraît qu'on dit plus ça que rencontre maintenant. Ouais, bah, il paraît. Le principe, c'est qu'une fois en fait que t'en as marre du candidat, bah, tu cries Next pour le dégager et passer au suivant. Ouais, voilà. Il paraît qu'il était tellement hardcore dans Next que la prod a dû raccourcir son passage dans l'émission. Mais il paraît, ouais. Bah alors, mais pour se faire une idée, il y a qu'à tout simplement réécouter, je sais pas si vous vous souvenez, quand on avait fait jouer Doc à Next dans l'émission. Est-ce que tu peux te caresser au téléphone et jouer? Voilà, donc voilà. Pas bien mesurer la puissance de Doc Gynéco. En tout cas, vivement lundi, qu'on puisse vous diffuser les meilleurs moments. En attendant, ce soir, on aura le groupe Archive en interview et en live également. Donc voilà, le groupe vient nous voir pour la sortie de leur nouvel album, donc Controlling Crowds Part 4. Tu peux le répéter ou pas? Vas-y. Controlling Crowds Part 4. Controlling Crowds Part 4. Pas mal, on dirait chinois. Ouais. Bon, on continuera aussi notre semaine spéciale Plus belge la vie. Mais oui, dis, c'est parce que sur Canal Plus, ils font une semaine spéciale avec des films belges. Ouais, des documentaires belges et des frites avec beaucoup de sauce. Ouais, c'est ça. Bon, et ce soir, on a en exclusivité les nouvelles séries qui vont faire un carton en Belgique l'année prochaine. Les Experts Bruxelles, Liège, Unité Spéciale, Sons of Bruxelles, Lost, Les Perdus à Charleroi, Fricandelle Anatomie. Ouais, ça suffit le belge. Bon, on verra ça tout à l'heure. Là, il est temps de faire un tour du côté du répondeur pour écouter les messages que vous nous avez laissés aux 01 40 71 3400. On va voir si vous êtes aussi bon que hier et avant-hier. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Salut toute l'équipe, Sandro. J'ai juste pour te dire que bouffe. Parce que franchement, t'as qu'une vie pour te dire un max. Et puis voilà, faut bien vous rendre quelque chose, non? Bisous. Fin du message. Message suivant. Bonjour, c'est Maïté. Moi aussi, le soir, quand il se fait tard, j'écoute Mickaël. Et aussi, quand je fais mon petit caca, j'écoute le polo chaud. Ça m'aide pour déboucher mes articulations et mes intestins. Fin du message. Message suivant. Je viens d'apprendre que Sylvester Stallone aurait des origines bretonnes. Ça donnerait donc Sylvester le Layadec dans Rambo ou Rocky Balboa. Waouh, la classe. Fin du message. Message suivant. Si vous voulez arracher des couilles de teuf sans utiliser le ciseau, il y a une application pour ça. Si vous voulez bouffer tous les câbles de la machine sans que Sandro ait le temps d'arriver, il y a une application pour ça. Si vous voulez révéler au monde entier les cheveux blancs de Mickaël, il y a une application pour ça. Si vous voulez niquer la télé lorsqu'il y a le match du PSG contre Lyon, il y a une application pour ça. Et si vous voulez emmerder Jacques en lui piquant son balai, il y a même une application pour ça. Il emmerde le monde. Fin des nouveaux messages. Bon, moi j'aime beaucoup le Maïté. Ouais, oui. Il emmerde le monde aussi qui est pas mal. Qui était l'emmerde de monde et qui était pas mal également. Donc c'est de là, Micha. Et Stallone, c'est pas mal aussi, Stallone. Ouais, Stallone, c'est vrai qu'il y avait de la recherche aussi. Allez, les trois. Les trois. Les trois. Allez. On me demande pas mon avis là. Ah non, non, non, non, non. Mais comme tous les soirs. Hein. Ouais, on sait jamais. Non, non, mais. Ah, je te dis, on te demande. Bon, vas-y, donne ton avis pour voir. J'ai bien aimé, Mike. Voilà. C'est génial. Ah, tu peux commander son c'est micro là, ouais, son c'est micro, là. Il est là. Oh, c'est là, c'est oh la bon, chance, ça. Vas-y, t'en viens, on change de place. Vas-y, parle un peu, Micha. Là, là. Ouais, là, ouais, voilà. Ah, ça c'est fort. Oh, le bouffon, comment il t'a bouffonné. Regarde, regarde, là, là, là, il y a Micha. Ouais. Oui. C'est pas voilà, et là, il y a plus Micha. Et là, il y a. Oh putain, c'est fort. Ah, putain, je veux le même. Regarde, Micha. Non, Tof, c'est pas Micha. Bah, vous avez pas envie d'échanger. Moi, je change de place. Je sais pas, le standard contre le bouton. Non mais, on veut... non mais tu peux moi je change ma place avec Toff et ensuite je change avec la tienne. Bah non, qu'est-ce que tu vas foutre ici au pupitre? Bah c'est pour être au un pipitre. Peu plus haute, plus grande. Qu'est-ce que tu... Bah oui, t'as qu'à prendre ma chaise. Si tu veux. Il sera plus grande mais il sera pas bien avancé, déjà que tu touches pas le sol. Tu me prêterais, tu me filerais ta chaise? Ah ouais? Ah bon? Comme ça? Ah non. Par gentillesse? Ah ouais, voilà. Ah ouais, d'accord. Sexuel. Ah non, non, non, pas sexuel, mais un achat quoi, ouais, pécunier. Pécunier, bien évidemment. Bon, ça va, tout s'achète hein. Oui bah je sais, avec toi oui j'ai appris à mes dépens. Tout s'achète. Bon, ce soir on aura gagné dans l'émission un écran plat dans le chéri. Ouh. Je t'ai fait cocu puisqu'il a pas été gagné hier. On aura aussi des cadeaux ici pour le jeu des amis ou encore pour le question pour une réponse. Dans les cadeaux il y aura la PS3, la console plus le jeu, des appareils photo numériques qu'on a à vous filer également. Ça va ce soir hein. Ouais ça va ouais. On a des places de ciné pour aller mater Fame, la BO de Fame également, des compil énergie de 100% hit, le petit signal qui va passer avant la fin d'émission et qui vous permettra d'avoir deux places, transport et hébergement pour assister à la Energy Session de Lily Allen, la Energy Session Energy. iTunes. Donc voilà, donc dès que le signal passe, c'est celui-là. T'es très moche. Voilà. Donc c'est important, il faut que les deux soient dedans. Ah, hein. Il faut que ça soit dedans. Ah oui, oui, là pour la peine, il faut que. Ah, donc tu pas peux. Pas l'un sans l'autre. Tu hein. peux taper des sevices ce ouais. soir, ouais. ça veut dire. Donc il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait le truc Size et Lily Allen, etc. Donc Mike, il a inventé les règles hein, pour voilà. ce soir. Voilà. Et là, il faut que ça s'enchaîne avec. Avec Tof, tu es très moche. Par contre, je sais pas si vous avez entendu la pub qui tourne la journée pour Lily Allen. Ouais, on dirait qu'elle dit Hit Music Oli. Ah non, j'ai pas fait gaffe. Si, si. On dirait. Ah, fuck you, Energy, hit musically. C'est assez bizarre. Hein. Ça m'a frappé la première Alors fois. Alors c'est plutôt un mot qu'elle doit connaître, puisque c'est un mot de chez elle. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, c'est vrai. Mickaël, le podcast. Bon, 21h15. On va se faire le faux JT. Attendons quand même hein, le principe que ce soit 16. Attention. Top. Nous sommes en octobre 2009. Bonsoir à tous. Politique, Frédéric Mitterrand, l'actuel ministre de la Culture, va passer à l'agriculture. Oui, il adore mettre ses petites graines dans les jeunes pousses. Et politique toujours, un Italien aurait apporté son soutien à Jean Sarkozy concernant sa prise de poste à la tête de l'EHPAD. Effectivement, il aurait déclaré « l'EHPAD, l'EHPAD, oui mais des Sarkozy ». Fait divers. Un incident a eu lieu lors de la conférence de presse de Nicolas Sarkozy. Pour justifier son choix de mettre son fils à la tête de l'EHPAD, le président aurait utilisé l'expression « il a de la bouteille ». L'incident était donc à prévoir. Jean-Louis Borloo a fait éruption dans la salle avant de se raviser. Monde. Un attentat a fait près de 40 morts au Pakistan. Waouh, c'est triste. En même temps, c'est tellement loin que tout le monde s'en branle. Théâtre, Laurence Boccolini et Laurent Ournac de Mon incroyable fiancé vont monter sur les planches. Oula, grosse production. Et cinéma pour finir. La version italienne du carton de Danny Boone pourrait s'appeler Bienvenue chez les Ch'tites. Et en entendant la nouvelle, Berlusconi s'est immédiatement rendu au casting. Est-ce qu'on peut tuer l'otarie là? Si c'est possible, hein. C'est interdit les animaux dans le studio. Oui, mais l'otarie est une espèce protégée. Oui, ah, voilà. oui. Et il faut la protéger, effectivement. Oui. Bon, vous le saviez, donc on en avait parlé dans l'émission il y a quelques temps. Doc Gynéco arrive dans Next. Ah. Ce sera demain soir. Et ça va être très très bon. Il et va nous être avons... complètement malade, lui. Oui, je pense. Il va aller brosser tout de suite, il va oublier de dire Next. Il va prendre les 5. En fait, il va Doc, se les faire. Il va dire Next. Ah oui, pardon. Oh, non, c'est pas ça, Doc, faut dire Next avant de les brosser, les mecs. Bon, et nous avons exclu les premières images de l'émission. Et bien sûr, c'est pas les images qu'on mettra. Hein. Ah, non. Ah merde. Si. Et si on essayait? Ouais, tu peux essayer, mais je suis pas sûr que ce soit très radiophonique. Mais bon. Bon, je vais vous faire écouter la présentation du doc. À votre avis, comment est-ce qu'il s'est présenté? Salut. À poil. Déjà. Bon, ben voilà, ça c'est moi. C'est une idée, ouais. J'ai des bonnes plantations, si ça intéresse certaines meufs. Ouais, ça aurait pu, non. Je suis aussi épais qu'un baobab. Non, j'ai tes amis au placé. Non, ah, voici. Ça, c'est oui, ça aurait été possible. Voici donc le premier extrait de sa présentation. C'est le doc alias Bruno. Tu me connais, pas gynéco, Bruno. La vraie version, l'original, pas la photocopie. Je cherche une fille vierge d'au moins 30 ans vivant à Paris. Ou sinon, elle peut ressembler à Sophie Willy ou avoir un style fil de fer. Peu importe, j'ai un TGV, si t'as le tunnel sous la manche. Aujourd'hui, c'est dimanche. Aujourd'hui, c'est dimanche. Quelle finesse. Attends, mais tu retiens que dimanche, toi. Bah, ouais, ça, il a dit, c'est le... Bah voilà. Une vierge de 30 ans à Paris. C'est bizarre. Ouais. Pourquoi il veut une vierge? Je sais pas. C'est plus serré. Oh. Ah ouais, enfin bon, j'avais bien noté alors. Hein. Enfin bref. Ah, c'était quoi ton idée? Bon, non. Attention, mademoiselle, donc si vous êtes intéressée par le doc, bah il préfère vous prévenir donc. Attention, miss. Si tu le racontes trop, si je fais trop de cinéma, attention à toi. Comme dit Solar, je te next de là. Next de là. Bon, c'était Bouche de là à l'époque, évidemment, pour ceux qui n'ont pas connu, car c'est quand même vieux, hein. C'est à combien de temps, ça? Waouh, ça a 92, je crois. Grosse combat. Ouais, non, même, non, même non. Avant, même qui avant. Qui simplement récolte le tempo. Oh là là. Ah ouais, c'était non, bien c'est... encore. Et ça, en son de la cave. Oh putain, mais c'est ça mal vieilli, hein. Ouais, mais c'est pas grave. Oh, quand il parlait du boulevard Barbès dans ses chansons, là. Nostalgie. ouais. Oui, enfin, le boulevard Barbès, il a pas changé. Non, mais par contre, la manière dont il en parle, oui, ça fait bizarre. Enfin, bref. Bon, et cela dit, il a raison de prévenir, le doc. Écoutez le troisième extrait. Soyons sérieux. On n'est jamais à l'abri d'un coup de cœur, d'un coup de... queue ou bien d'un coup de blues. J'ai cru qu'il allait finir par le coup de queue quand même. Ouais, mais non, ça va, il a terminé par le coup de blues quand même. Donc, Sandro était intéressé par le doc. Oui. Après cette présentation. Mais elle l'apprend. Mais en même temps, elle a sorti avec son bonnet, hein, doc, dans la vidéo. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, elle même a sorti avec son iPhone, avec lequel elle jouait encore il y a 30 secondes. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit pour finir, là, doc? De quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, là? Il a dit un coup de queue, un coup de blues, un kit-kat. Il a dit un kit-kat. The next. Il a dit un kit-kat. Ah, moi, je vais regarder, je pense que ça peut être drôle. Je crois que ça va être drôle. Ah ouais. Non, c'est pendant l'émission. Bah, c'est pas grave. D'accord, ok, pas de soucis, c'est pas grave. Mais non, t'as l'enregistreur, la cassette VHS. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas de VHS vierge. Ah merde. Ouais, tu repasseras sur un vieux truc. Mais ouais, t'es face à un vieux Pierre Richard. Hein, tu as la boum. Non, j'ai la chèvre. Boum. La chèvre. Non, mais je vous interdis de taper sur Pierre Richard, c'est super drôle ce qu'il a fait. Non, oui, c'est vrai. Bon, et puis je vous rappelle que Marjolaine des millionnaires va aussi participer à Next. Et on avait imaginé ce que ça pouvait donner. Voilà. Ouais. Bonsoir, comment tu t'appelles? Salut, je m'appelle Benoît, j'aime la déco et les films avec Patrick Swayze. Hop, il dégage direct le tout pédé là. Je suis pas venu ici pour trouver une meilleure copine, ok? Next. Bonsoir, comment tu t'appelles? Salut, je m'appelle Franck Dubosc, j'aime la poésie, Venise et je t'ai amené des fleurs aussi. Hop, il dégage direct le romantique en carton là. Je suis pas venu ici pour m'encrouter avec un vieux beau, ok? Next. Bonsoir, comment tu t'appelles? Ah, y'a pas de bonsoir, pas de comment tu t'appelles, on s'en bat les couilles de ça, je te casse le cul au fond du bus et puis on n'en parle plus. C'est lui que je veux. Voilà, donc c'était ça qu'on avait imaginé, quoi. Et... ouais, mais ça sera ça. Hein. Ah, je pense, ouais. Ouais, et Marjolaine qui a déclaré que le doc était trop bon pour elle. Ah ouais? Ouais. De quoi elle parlait? Ah, ça, je ne sais pas. C'était le titre. Du c'était... TGV ou est-ce que c'était un corail dans le pantalon? C'est vrai que l'autre, il était dur de partout aussi. Ouais, c'est vrai, effectivement. Bon, bref. Bon, XY, hein. On en parle. Oui, ouais. Oui, c'est vrai. On en parlera dès qu'il le faut, bien sûr. Demain, on suivra peut-être 2-3 trucs en direct. Et puis sinon, on en parlera lundi de Doc Gynéco dans Next. Ah, j'attends de voir la réaction des meufs aussi. Je pense que ça peut être du caviar. Mais je pense qu'il faudrait qu'on essaye de récupérer l'intégralité. Parce que avec tous les bouts qu'ils ont dû couper de ce qu'il a dit. Ah, l'intégralité. Les rushs. Ouais, les rushs, ouais. Faut voir. Ce qui n'a pas été diffusé. Ouais, il faudrait. Ça y est. Bon, j'en parlais au début de l'émission. Il y a une vidéo là qui commence à bien tourner sur internet. C'est un appel au 18. Ouais. Non, on l'a déjà fait l'appel de Jackson. C'est abusé comment ils sont en retard, les gars. Non, Sandro, c'est vrai qu'on diffuse souvent des choses avant tout le monde. Mais là, ça fait 3 mois quand même. Hein. Ouais, enfin, Winnie l'ourson, on avait quand même un mois d'avance sur tous les autres. Hein. Oui, et ça tombe bien d'ailleurs que tu en parles, Toff, puisque ce matin sur Europe 1, c'est pas que j'écoute Europe 1, c'est qu'un auditeur m'a mouchardé. Ils en ont parlé et comme ils avaient pas trop d'imagination, ils ont aussi appelé TF1. Oui, sauf que Toff et sa petite famille étaient déjà passés par là. Exactement, mon voilà. Mon papa, il veut plus que je regarde TF1 parce qu'il a dit que c'est une chaîne porno. Ouais, et donc TF1 était déjà au courant, écoutez. J'espère qu'avant midi et demi, ils vont nous répondre, hein, parce qu'autrement, on sera un peu mal. Attendez, on va voir. Un pain, là. Moi, j'aime bien les chansons, c'est donc. Bonjour. Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle parce que je suis scandalisé au sujet d'une histoire de queue dans Winnie l'ourson. Est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire, madame? Ah, une petite fille qui veut absolument une queue. Vous avoir déjà vu José au téléphone. Ah ben non, pas encore, mais en tout cas ma petite nièce a regardé, elle était très choquée. Vous pouvez noter la chanson de la queue, s'il vous plaît, madame. Écoutez, c'est parti. Si j'avais une queue, elle me ferait bondir, frétiller. Je la balancerais, elle pointerait vers le soleil. Vous êtes fière de vous, madame? Ne riez pas, madame. C'est très sérieux, cette histoire de queue, vous savez. On dirait Toff. Alors, est-ce que vous pourriez transmettre à la direction jeunesse de TF1 qu'on ne devrait pas parler de queue à cette heure devant les enfants, s'il vous plaît? Non. Oui, ce sera transmis, monsieur. Je vous remercie beaucoup, madame. Je vous en prie. Vous êtes en dépression? Non, ça va. Ça va aller. Bon, au revoir. Hein. Ah, exactement ce qu'on avait fait. C'est ça, mais en plus, le pire, c'est que la meuf, elle l'a confondu avec moi, quoi. Ouais, merde. Déjà, elle se souvenait de toi, c'est déjà pas mal. Hein. Bon, par contre, les pompiers, ils sont pas prêts d'oublier l'appel de ce mec, hein, écoutez. Allô, ouais, je pourrais parler à une femme, s'il vous plaît. À qui? À une femme. Il y a des numéros en 800, là. Ah, mais j'ai pas de crédit. Il y a pas de crédit, ça sert à rien d'avoir un portable s'il n'y a pas de crédit. Les femmes, là, faut prendre les bouquins, il y a plein de femmes qui sont toutes seules, vous pouvez leur parler, là. Ah ouais, ouais. Elles font l'amour au téléphone et tout, ok? Calme ta mère. Calme ta mère. Attends, c'est du français, ça? Non, j'ai dit c'est comme ta mère. C'est comme ma mère. Ouais. Ma mère, tu la connais pas, tu peux pas la connaître, ma mère. Si, c'est... Ouais, par contre, ce que tu peux faire, c'est... Tu sais préparer des sandwichs? Hein? Est-ce que tu sais préparer des sandwichs? Ouais, parce que ta mère, ça fait une semaine qu'elle est là, qu'on lui bourre le cul, comment savoir ça? Bon, faut remettre la fin, vous allez rigoler dessus. Ah, le bâtard! On peut remettre la fin ou pas? Il l'a dérouillé. Non. Une semaine qu'elle est là, qu'on lui bourre le cul, comment savoir ça? Salut. Oh, comment il l'a assommé? C'est énorme. Il l'a dérouillé. Oh là là là là. Allez, bim, prends ça. Exactement, ouais. Oh là là, putain. J'ai envie de dire le pauvre. Ouais, le pauvre. J'ai envie de dire le pauvre, effectivement. Mais même lui, il se marre hein, sur la fin. Ouais, c'est rigolo lui, aussi, bah ouais, tellement il est surpris. Attends, mais il s'est fait clasher là, c'était violent. Faudrait bon. Qu'on les appelle pour essayer. Non, on va pas appeler le 18, Rose. On va pas que ça foutre, on va pas les déranger. Alors, on a qu'à faire les 118 alors. Oui, c'est une bonne idée le 118, en plus ils ont que ça à foutre. Toff, tu les appelles? Et quoi, je demande s'il y a une meuf disponible? Tu as tout compris. Allez, on appelle lequel 118? Bah, il y a, comme tu veux, il y a 218, il y a 712, 00, 08, ouais. Il y en a plein. Toff, préférence? Je sais pas, je m'en branle, 008, la page jaune. Ouais, bon, allez, bah, c'est parti, on y va, on appelle 118, 00... Ah, attendez. Micha! Faut composer. Oui. On compose. Ah c'est bon, oui, c'est bon, c'est bon. Dedans là, voilà. Ça y est, très bien. Je ne mange pas, quelle est votre demande? Oui, bonjour. En fait, ma demande, c'est que je cherche quelqu'un pour ce soir et je me demandais si on pourrait peut-être pas se rencontrer. Ça va aller, monsieur. Avez-vous une autre demande, s'il vous plaît? Oui, vous faites combien en tour de poitrine? Je vous souhaite de passer une bonne soirée. À bientôt sur le 118-008, au revoir. À tout de suite. Oh la sale boîte pervers. Grave. On rappelle. Allez, ouais, ouais, vas-y, bah oui, allez. On va la laisser comme ça. La elle pauvre. Avait une bonne voix, elle, hein. Ouais. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Oui, bonjour, nous avons été coupés. Oui, veuillez nous en excuser, que recherchez-vous? Je cherche quelqu'un pour passer la soirée. Non, alors ça doit être une erreur, monsieur. Si vous êtes au renseignement, quel service recherchez-vous? Mais je ne cherche aucun service, je cherche juste à parler avec vous. Et je me demandais peut-être si on pouvait alors, pas se rencontrer. Alors, je peux vous proposer un métier, si vous le souhaitez. Non, madame, ça ne m'intéresse pas. C'est juste vous qui m'intéressez. Vous savez, c'est... Voilà, je me sens un peu seul ce soir. Et donc, je me disais qu'on pourrait peut-être discuter. Alors, désolé, monsieur. Je ne peux pas... Bon, vous pouvez me dire comment vous vous appelez, quand même. Hein? Page jeune. Pardon? Téléconseilleur, page jeune. Non, mais vous avez un prénom. Oui, téléconseilleur, page jeune. Non, c'est le nom du service. Oui, mais désolé, je suis évidemment disposé à tout faire pour vous apporter une solution, c'est vrai. Mais je ne suis pas en mesure de travailler convenablement si je ne peux pas comprendre la demande. Donc, à bientôt sur le 118-008. Attendez, on vient juste de faire connaissance. Au revoir. Mais attendez, ma demande, c'est votre prénom? C'est marrant, on dirait qu'elle a des phrases, tu sais, toutes faites. Ouais. C'est ça, ouais. Je pense. Hein. Ils sont obligés, ouais. Bon, on rappelle dans 3 minutes. Allez. Ouais, t'es peut-être tombé sur quelqu'un d'autre, je sais pas. On va voir. Quelqu'un de gentil, ça m'étonne. Et moi, j'ai un handicapé comme ça qui m'appelle, je raccroche à la gueule, je cherche même pas à faire des phrases polies. Tu peux pas raccrocher à la gueule, tu peux pas. C'est interdit. Oui, mais non, quand c'est un client un peu relou, oui, tu peux pas raccrocher, mais quand c'est un Goliot, tu peux raccrocher. Bon, on rappelle dans quelques instants, sinon je salue Jean-Marc Morandini qui vient de m'envoyer un message qui trouvait ça très drôle. En même temps, je tiens à dire que la personne qui travaille avec toi elle l'a probablement faite sans savoir, oui. Et à ce moment-là, c'est dramatique, a quand même copié la majeure partie de ce que t'as fait. Non, je parle de l'intonation. Mais c'est très grave, madame, vous savez. Oui, mais oh là là. Quand t'appelles scandale, t'appelles pour taper scandale. Oui. Ce que tu peux faire, mec, c'est envoyer à Jean-Marc Morandini notre passage à nous qui est bien plus drôle. Oui, oui, ben voilà, passe sur Europe 1, hein. C'est un échange de bons procédés. C'est comme ça qu'on appelle ça. Surtout, histoire qu'il soit moins en retard, on peut peut-être lui passer oui-oui. Ouais, il y a oui-oui, Jean-Marc, si tu veux pour demain, dis-moi et je te rencadrerai, y'a pas de problème. Si t'as besoin d'une émission sur les médias et tout, on est là aussi. Hein, je vais aussi faire mon site. Michael.com. Ah merde, non, c'est un site de cuisine. Allez, pas dessus. C'est, c'est un site Ricain de cuisine, c'est très bizarre. Michael, le podcast. Avec toujours nos amis du 118, nous allons rappeler là maintenant, avant de faire le jeu des amis maintenant. Nos amis du 118, on était où d'ailleurs? Au 118-008. Ah, je propose qu'on les rappelle un petit coup quand même. Oui, un petit dernier coup, on fera les autres tout à l'heure. Ouais, parce qu'elle était chaude là, je sentais que ça commençait à passer avec elle. Non, t'as aucune chance. C'est toi qui es chaude. Ouais, c'est ça. Pardon. C'est lui qui est chaud. Agent de bonjour, que puis-je faire pour vous? Oui, ben voilà, en fait, je ne comprends pas, chaque fois que je demande mon renseignement, à chaque fois je me fais raccrocher au nez. Alors, il y a peut-être un souci, parce que c'est vrai que parfois ça risque que ça coupe pas. Ah, bon, ben voilà, ça doit être pour ça. Non, parce qu'en fait, chaque fois que je demandais le prénom de l'interlocutrice que j'avais au téléphone, après ça coupait, je sais pas ce qui se passe. Hein, c'est quoi votre prénom? Moi, j'appelle Sabine. Ah, Sabine. Pourriez-vous me préciser votre demande? Oui, en fait, je voulais savoir ce que vous faites ce soir. Je travaille. Ah, vous travaillez, vous finissez tard? Oui. Ah, peut-être que demain alors vous seriez disponible. Ah non, je travaille tard toute la semaine. Ah bah non, on peut se voir. Faites-vous un autre renseignement. Bah on peut peut-être se voir pour déjeuner alors. Non, merci, c'est bon. Ouais. À bientôt sur le 118. C'est dommage. Au revoir. Vous passez à côté de quelque chose. Allez voir, ça va encore couper alors qu'on n'a pas encore fini. J'ai pas fini. Mais là, je vais être obligé de couper parce que j'ai d'autres clients qui m'attendent. Bah oui, mais enfin bon, là, je suis le client, je suis là, le client est roi, enfin madame. Bah oui, mais non, pas quand c'est des demandes comme ça, il fait une demande précise. Sabine, maintenant qu'on se connaît, qu'on est intime, on peut peut-être discuter un petit peu quand même. Hein, non, parce qu'après, je vais me faire en guirlandais. À bientôt sur le 118. Si vous me donniez votre numéro de portable, peut-être on pourrait se rappeler. Non, mais elle s'est barrée. Elle était pas si fermée. Hein. Ouais, mais c'est pas la même en que gros, tout à l'heure. Elle a dit ouais, j'aimerais bien discuter un peu plus longtemps, mais je peux pas parce que je vais me faire engueuler sinon. Mais c'était pas la même que tout à l'heure. Ah bah non, ouais. Ouais, parce que celle de tout à l'heure. Non, celle de tout à l'heure, oui, elle avait envie de se faire engueuler par la direction même. Ah ouais. Franchement, mais... celle de tout à l'heure, elle t'aurait mis un coup de pied au cul. Elle souriait, mais c'est vrai qu'elle avait l'air stressée. Je pense que son patron, c'est Didier Lombard. Ouais, non, on va peut-être pas rigoler ce soir. On les appellera tout à l'heure, France Télécom, ils ont des renseignements aussi. Ah. On leur souhaitera notre soutien. Ouais, bah écoute, il va falloir faire ça, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Bah, c'est eux qui n'ont pas le choix, ouais. On peut les aider, hein. Ouais. Les soutenir, quoi. Voilà. Bon, allez, on va faire le question pour une réponse maintenant. Non, hein. On va faire les amis. Pas du tout, le jeu des amis, bah ouais. Ah bah alors. C'était un test. Ça faisait longtemps. Passé, hein. Ah, c'est un test pour voir si on suit. C'est un test pour voir si Sandro suit. Et bah c'est bien, vois, pour une fois, elle n'est pas dans son iPhone. C'est pas mal. Tu sais que bientôt tu pourras mettre ton iPhone entre les seins, ils vont tenir. Enfin, il va tenir. Il va tenir, ouais, c'est vrai. C'est vrai que... C'est vrai. Je sais pas ce qu'ils ont bouffé, mais ils ont grandi. Hein. Ah bah du Kit Kat. Et de la soupe, hein. Ah non, mais ils tombaient comme des gants là depuis un mois, je pouvais pas laisser ça comme ça. Bah c'est vrai, hein. C'est quand tu perds du poids, ça arrive. Bah, elle les a remusclés. J'ai changé de pilule si vous voulez tout savoir. D'accord. Tu veux savoir quand j'aurai mes règles aussi? Ah oui, non, on le sait, t'inquiète pas, on le sait quand tu les as. Parce qu'il y a Polo qui voulait être sûr que c'était pas du faux et il voulait que tu déballes le matériel. Ouais, je lui dis de me faire confiance que c'était pas du faux. Bah, nous on préférerait vérifier quand même. Est-ce que tu fais des palpations pour le cancer du sein? Oui, c'est important. Mais personnellement, je sais le faire. Oui, bah, sinon, si tu veux faire une visite de contrôle, Nicole le fait aussi. Mais qu'est-ce que t'as toujours te toucher les nibards? Je sais pas, c'est. C'est pour ça qu'il faut lui parler souvent, c'est ça. Non, mais c'est pas que quand on m'en parle, mais quand on m'en parle aussi, c'est vrai. J'ai souvent... bah, c'est comme vous, hein. Vous remettez la main au roubignol. Moi, c'est vrai. Est-ce que quand on te parle de ta zézette, tu... Non, non. Oui, on se met la main au panier. Pas encore, Jack. Ah, très bien, bah, ça va venir alors. Bon, Valérie qui est là, 21 ans du 92. Bonsoir, Val. Bonsoir. Comment vas-tu? Bien, et toi? Oui, tu aimes les sucettes? Je travaille au 118. J'aime les sucettes ou pas? Non, ça va. Oh, c'est dommage. Bon, alors, Valérie, nous allons maintenant donc jouer au jeu des amis. Le concept est facile. On va donc appeler une des connaissances. On va lui poser 10 questions à ton sujet. Si il ou elle répond à 6 sur 10, c'est gagné pour vous deux. Ok. Ok. Pas très compliqué en soi. Ouais, Bon, on verra. Bah, Valérie, bon. Tu... Oui, Tex, qu'est-ce qui se passe? Bien, bonne ambiance, ça va, ça va. Ça va, ça va, écoute, tranquille, aujourd'hui, jeudi, demain, vendredi, après c'est le week-end, à la cool. Allez, quoi. On se fait un bon resto. Exactement, oui. Qu'est-ce qu'il y a, Sandro? Ah, oui, voilà. Excusez-moi. Oui, bah oui, je te confirme, hein, c'est quand jamais tu pas. Le travail... Oh, bah, tu peux parler, Roux, c'est alors toi qui étais emmerdé, ta camarade. Non, c'est merci, embêté. Mike. Oui, enfin bon, ça marche dans les deux sens, hein. Je l'ai dit au hasard, mais je sais pas lequel des deux avait fait chez l'autre. C'est elle. Et de quoi vous parliez, sinon? Ah, il voulait me tâter les nichons. Il est en pleine négociation. Et Sandro a dit oui, un contrat. Non, je lui ai demandé s'il avait les réponses du QPR. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, on appelle qui, Valérie? Allez, vas-y. Laurine, c'est une pote? Ouais. Copine? Très bien. Allez, on y va, on l'appelle. On lui pose ses 10 questions. Si il ou elle répond correctement, ce sera gagné pour vous deux. Allez. J'en peux plus, cette musique. C'est une sonnerie. Allô? Ah, oui. Oui, bah oui, merci gros. Laurine? Oui. Bonsoir Laurine, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Énergie. Bonsoir. Ça va bien? Malade. Oh bah qu'est-ce qui se passe? Bah je suis malade. Oh, tu veux une sucette? Ouais. Oh. Oh ça va, je peux plus rire deux minutes maintenant, alors on va. Bon alors Laurine, je vais te poser 10 questions par rapport à Valérie, tu connais Valérie? Oui. Très bien. Et 10 questions je vais te poser par rapport à elle, évidemment. Si tu réponds correctement, à 6 sur 10, ce sera gagné pour vous deux, ok? Ok. Allez, il faut répondre du tac au tac. Si tu sais pas, tu passes et c'est donc considéré comme une mauvaise réponse. Ouais. On y va. Une minute, ouais, bien sûr. Attention. Top. On pas cadré. Ah bah non, Tex, t'es pas fini toi, dis donc. Alors. Bon, est-ce qu'elle a une tache de naissance? Si oui, où? Au poignet. Oui, bonne réponse. Quelle est sa série télé préférée? Gossip Girl. Oui, bonne réponse. Quel est le dernier livre qu'elle a lu? L'enfant qui ne pleurait pas. Oui, bonne réponse, effectivement. Quel est son lieu de sortie préféré? À Bruxelles. Oui, ça fait plaisir. Alors Valérie, comment on peut aimer ça? Mais c'est énorme. C'est normal, elle a rien d'autre là-bas. Oui, 92. Elle est d'où? 92. Alors, c'est une... alors 92. Attends. Tiens, bouffe les deux. Elle aime aller à Bruxelles. Ouais, et alors en Belgique, Bruxelles en Belgique? Non, Bruxelles au Congo. Bah on sait jamais, attends, c'est peut-être une place dans un village. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, Bruxelles, la capitale de l'Europe. Oui. Non. La capitale of the world. Non, c'est juste un petit café minable à côté de chez elle. Ouais, mais arrête, c'est parce que ton mec il habite là-bas, c'est pour ça. Alors Valérie, pourquoi t'aimes bien aller à Bruxelles? Parce qu'il y a tout, enfin, il y a plein de gens que j'adore y aller. Il y a tout, exactement. Non, tu vois, il y a tout. Tu as retenu ce que tu voulais. Non, elle a dit parce qu'il y a plein de gens qu'elle adore là-bas. Non, elle a dit, il y a c'est normal, c'est tous ses potes qui sont là-bas. Mais n'importe quoi. T'es belge ou t'es française à la base? Française. Très bien. Est-ce que tu connais l'expression? Quand tu t'en vas, tu mets la porte contre. Non. Tiens. Tu savais qu'elle allait dire non en plus. Tous les jours, une nouvelle expression belge. Non mais c'est incroyable, j'ai l'impression, enfin là on fait une pause dans le jeu, mais j'ai l'impression qu'on fait tu sais, ça fait 5 ans là que Toff, Jack et moi on est en France. Mais c'est toi, tu t'emballes dès que t'entends Bruxelles. Non, c'est pas ça. Raison, non, mais attends. Et en fait, j'ai l'impression que ça fait seulement depuis quelques mois qu'on sort des expressions que vous ne connaissez pas. Non, ce que je pense, c'est que maintenant, à force, avec le temps, c'est des expressions de plus en plus pointues et c'est plus en plus rare, et donc c'est à ce moment-là qu'on le remarque plus. Ouais, parce qu'avant, putain, il y en avait des tonnes, quoi. Ouais, ouais. C'est clair, ouais. Les ouais, coups c'est au vrai. Chocolat. Ouais, c'est vrai, ouais. Bon, bref, alors ça fait 4 bonnes réponses. Vous où est-ce qu'on en est? Ah oui, on continue. Quel est son objet porte-bonheur? Une gourmette. Ouais, bonne réponse. Quel est le prénom de son premier mec? Alexandre. Bonne réponse. Quel est le prénom de son dernier mec? Nicolas. Oui, bonne réponse. Tu l'aimes pas, Nicolas? Elle a pas l'air. Quel est le nom de sa revue préférée? Closer. Oui, quel est son style de musique préféré? Le rock. Oui, bonne réponse. Où est-ce que c'est facile, hein, toutes les questions pour une meilleure amie. Ouais, quel est son plus gros défaut? La jalousie. Oui, bonne réponse. Bah, un peu de cul, là. Bah non, Micha, il a rien sélectionné dans les questions de cul. Oh merde, Micha. Ouais, mais il est mauvais. Elle a 17 ans. Et alors? Bah, 17 ans. Non, elle a 21 ans. Ah oui, pardon. Ah bah oui, c'est à un chiffre près. Hein. Ouais, voilà. Bah oui, c'est ça, ouais. Bon, c'est gagné, 10 sur 10. Et non mais attends, tiens pas lui pose une autre c'est question. Gagné quoi? Bah à Bruxelles, ça compte pas. Mais quoi, ça compte pas? Bien mais sûr que ça compte. Mais non, bah, mais si bien sûr. Mais non, mais elle est dérangée cette fille. Elle a forcément un problème, je sais pas, on peut pas adorer Bruxelles. Mais c'est ça. Non mais on peut bien aimer. Mais Cash a été à Bruxelles, il a kiffé. Ouais, mais t'as remarqué, il est allé une fois. Oui, bah il faut bien aller un moment ou un autre. Il est revenu de là-bas. Oui, bah oui. En courant. Eh ouais. C'est normal, il a une vie ici. Ah peut-être, mais ça c'est de son des excuses. Ça. Mais qu'est-ce qu'il est bête alors? Non, mais je crois que c'est que les gens de Paris qui aiment pas. Non, c'est pas vrai, Paul. Non, il est banlieusard. Voilà, regarde, oui. Non, mais j'aime bien Bruxelles, mais c'est pas... C'est pas la lune non plus, quoi. Mais non, ça reste, mais c'est parce que... Rien. C'est parce qu'il n'y a pas le Parc des Princes, c'est pour si, ça. Si, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, rien. Allez, vas-y, dis maintenant. Il y a le stade du Ezel. Ah ouais, bah alors ça, c'est une réussite, hein. Bah, il faut le raser. Oui, bah, il faudrait. De toute façon, il s'est rasé tout seul il y a quelques années. Ça va. Bon, Valérie et Laurine, c'est gagné pour vous deux, les filles. Mickaël, on a un petit cadeau pour toi. Oh, qu'est-ce que c'est? Bah, écoute, ok. Ouais, j'ai très très peur, vas-y. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le retour de Gauthier Reiss sur Cacamusique. Ah, Cacamusique. C'est le truc de la Starac, là, le mauvais, là. Ah, ah. Eh ben, garde-le. Ah, c'est Quentin. Ouais, voilà, que vous pouvez Gauthier. D'ailleurs... Gauthier, pardon. Que vous pouvez écouter sur cacamusique.com. Cacamusique, voilà. Il est fou d'avoir mis ce nom-là. Il, ouais. il a appelé son truc Cacamusique. C'est évident que tous ceux qui n'allaient pas aimer allaient dire Cacamusique. Enfin, ou alors je suis le seul, mais je pense pas quand même avoir trouvé ça. Bon, bah merci les filles, et puis bon courage pour écouter cette horreur. Ouais, ouais, ouais, ouais. Allez, je vous offre... bah rien, en fait. Deux singles, allez. Vous allez voir Chimicha, d'accord? Ok. Salut les filles. Salut. Allez, à bientôt, bon, ciao. Elles avaient préparé leur petit ouais. truc et tout. Ouais, ouais, ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Mickaël, le podcast. Bon, on va rappeler les 118 aussi dans quelques instants. Et oui, on en avait parlé hier, là, cette semaine. Canal Plus a mis les petits plats dans les grands puisqu'ils ont créé... la semaine spéciale cinéma belge. Ouais, mais au départ, comme il s'agissait de la Belgique, ils avaient plutôt pensé à mettre les grands dans les petits. Mais... ah, les plats. Ça va, oui, c'est bon, arrête avec tes vannes de merde anti-belge. Les plats ou pas. Ouais, c'est ça. Ou autre. Oh, c'est nul, c'est nul. Arrête avec tes vannes anti-belges. Pas anti-belge, j'aime ça, bien les charriers, c'est tout. J'aime bien châti bien. Oui, bah oui. Dans ce cas-là, Ben Laden devait adorer New York. Hein. C'est ça. Ah, ouais. Bon, toute la semaine, donc, Canal+ se met à l'heure du plat pays. Et non, il n'y a pas de décalage horaire entre la France et la Belgique. Non, je préfère juste le préciser avant que quelqu'un fasse la vanne. Il y a juste un décalage culturel. Quoi. Ça doit être ça, effectivement. Ouais. Bon, et donc, ils ont décidé de se mettre à l'heure du plat pays. Donc, de proposer tous les jours des films sur chacune des chaînes du groupe, et ils vont diffuser 21 longs métrages en tout. Sur Ciné Cinéma, il y aura une soirée actrice belge. Sur Ciné Cinéma Club, une semaine nouvelle génération belge. Et sur Ciné Cinéma Frissant, soirée 100% porno belge. Non, pardon, c'est une vanne. Soirée 100%, soirée spéciale 100% frissant à la belge. Oh, j'ai hâte. T'as hâte de quoi? Ça a déjà commencé depuis lundi et ça continue jusqu'à dimanche d'ailleurs. Oui, oui, bah c'est ce que je te dis, j'ai hâte d'être à lundi prochain. Bref, cette semaine spéciale a été appelée Plus belge la vie. Ah d'ailleurs, j'ai vu qu'on me produire une série qui va s'appeler comme ça, si je dis pas de conneries, hein. Et ça va être la transposition de Plus belle la vie en fait, en Belgique. Ouais, ouais. Ah, bah, très bien. Ça va donner, hein. Bah oui, ça va donner. Bruxelles la vie. Bon, ta gueule, c'est pas possible avec cet accent. J'ai rien dit. Si, bah si. J'ai dit Bruxelles. Voilà. Bon, donc du coup ça nous a donné des idées, évidemment, il y en a imaginé ce que pourrait donner une autre série, Prison Break donc en l'occurrence, si on la produisait par exemple en Belgique. Énergie et Canal Plus présentent Prison Belge. Alors, combien tu as pris toi? 10 piges. Ah oui, quand même. Et toi, tu as pris combien? Ben 8 ans. Oufti. Ben oui, je sais. Mais plus ça va et plus ils me les font jeunes. Alors, tu sais par où ce qu'il faut passer pour s'évader, dit? Bien sûr, j'ai les plans de la prison tatoués sur le corps. Oh, c'est super. Oui. Le problème, c'est qu'il faut d'abord sortir d'ici pour retrouver le corps où ce que j'ai tatoué les plans. Hein. Ça y est, Mickaël, j'ai enfin trouvé comment on allait sortir d'ici. Hein. Bah comment? T'as de la dynamite? On t'a envoyé une lime dans ta fricadelle? Non, mieux que ça. Ce con de directeur a organisé une journée porte ouverte demain. Oula, je sais pas si c'est toi ou le directeur qui est le plus con, hein. Prison Belge, bientôt sur vos écrans. Vous êtes dur. Bah après, je sais pas, est-ce que ça fera autant d'audience que Prison Break saison 1 ou saison 4? Je sais pas. Ouais, je miserais plus sur la 4. Hein. Ouais, on sent que c'est quand même des Français qui ont écrit oui. cette vague. Ouais. Et on sent que c'est des Français qui ont fait les voix aussi. Hein. Ouais, mais c'est... Franchement, on est persécutés. J'ai même pas osé vous dire qu'on envoyait un astronaute belge sur la station spatiale internationale. Bah, il fallait. De peur qu'il fasse des vannes. On n'a rien à dire. Non, on n'a rien dit. Hein, ouais. Alors, non, dit. Ouais, je me souviens de la tête de Polo quand je lui montrais Dirk Freemoot. Notre astronaute. C'est l'astronaute belge qui était sur la Lune. Dirk Freemoot. Et alors, si tu voyais sa tête, mec, tu dirais le professeur Tournesol. Allez, voilà aussi, vous avez rien qui joue en votre faveur. Attends, c'est pas radiophonique, mais allez voir si vous voulez sur Google, je vais montrer la tête de Dirk Freemoot. Je le mettrai sur le blog, je vais le mettre là pendant la pause. Vous avez un accent bizarre. Arrête avec tes conneries. Mais non, mais franchement, c'est vous qui avez des accents. Alors là, il y en a 10 000. Alors oui, chez nous aussi. Hein. Ouais, mais enfin bon, là quand même. Hein. Ouais, chez vous, c'est la taille de Paris. Vous avez 12 accents. Non, c'est vrai, c'est vrai. Là, il a raison. C'est comme si par arrondissement, vous changez de langage. Ouais c'est vrai. Ça. Non, mais tu fais 50 bornes, ça t'a changé d'accent. Voilà, toi, tu sais faire l'accent bruxellois. Bruxellois. Vas-y. L'accent bruxellois, c'est comme ça. Il n'y a pas à chercher. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, je préfère celui de Liège. Si Liège s'était assis, hein. C'est vraiment plus lent d'une gag. Ah, j'aime bien, ça me donne des sourires, moi. Regardez Dirk Freemoot. Oh, le bâtard. Ouais, bon. C'est un astronaute, hein, il est plus futé que toi. Il avait un peu trop de cheveux pour que ce soit le professeur Tournesol. Mais si t'enlèves le peu de cheveux qui reste au-dessus du crâne, bah, il reste la couronne et ça fait. L'autre belge qu'on envoie là maintenant, il a franchement sa tête, c'est pas mieux. Ah ouais, Dirk Freemoot a un petit quelque chose d'Einstein. Mais je sens qu'il n'a pas le QI. Déjà, s'il va là-bas, si tu veux, c'est qu'il a. C'est qu'il est plus futé que toi. Ah oui, bah ça. Qui te la ramène dans ton HLM. Quel est le rapport? Rien, j'ai envie de le placer. Je préfère habiter dans un HLM que dans un VLM. Ouais, que dans la station orbitale où ils ont dû rester une semaine sans pouvoir pisser parce qu'il y avait plus d'extraction. Ah, il y avait plus de. Le truc était au bon panne. Oui, bah écoute, ça arrive, même au meilleur. Voilà. Une semaine sans pisser. C'est vrai. Bon, tu fais dans le truc, tu t'en fous, t'as pas le choix. Oui, tu fais dans une petite pochette, enfin j'en sais rien, je suis pas. Bon, on appelle les 118, Tof. Allez, allons-y. Enfin, on rappelle les 118. Ah, je propose, comme on disait tout à l'heure, qu'on appelle à France Télécom, vu que c'est fort chez eux, qu'on leur donne un peu de soutien. Quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Quel 118 on appelle? On les avait déjà appelés tout à l'heure, en fait, parce qu'on s'était rendu compte. Bon, c'est vieux, hein, cela dit. Hein. C'était un mec qui avait appelé les pompiers. Il avait composé le 18 pour trouver une meuf. Est-ce qu'on peut rediffuser l'extrait surtout la fin. Bon, bah voilà, ça me facilitera la tâche, je devrais pas tout réexpliquer. Écoutez ce qu'on avait entendu, et du coup, ça nous a donné des idées pour appeler le 118. Ce que je me suis dit quand j'ai... Non, je me disais bien, je me dis, tiens, c'est marrant. Il aurait eu sa gonze, hein. Ah ouais, là, je pense qu'il aurait pas insulté le mec du 18, si tu veux. Allez, on rappelle. Enfin, on rappelle. On fait quoi? On écoute. Je vous remets tout le truc de tout à l'heure? Ouais, juste la fin, ça suffit. Le 18, hein. Le 18. Tout. Non, vas-y, mets tout, c'est pas comme si on était pressé. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Oui, bonjour, nous avons été coupés. Ben non, c'est pas celui-là. Ça, c'est ce qu'il a fait tout à l'heure, toi. Ah oui, c'est ça. Oui. Non, c'est quand le mec, il appelle les pompiers, en fait. Pardon. Ce qui nous a donné envie d'appeler le 118 et de faire pareil. Exactement. Non, mais y a pas de problème. Je pourrais parler à une femme, s'il vous plaît. À qui? À une femme. Ah oui, mais enfin bon, c'est pas ça que vous voulez. Bah je si, sens. C'est le bon. Ça, c'est ce que je viens de recouper. C'est l'extrait de. C'est la fin, ça. Voilà. C'est ça que vous vouliez. Ah non, ouais, je pourrais parler à une femme, s'il vous plaît. Voilà. À qui? À une femme. Il y a des numéros en 800 là. Ah mais j'ai pas de crédit. Ah bah, y a pas de crédit. Ça sert à rien d'avoir un portable s'il y a pas de crédit. les femmes, là, faut prendre les bouquins. Il y a plein de femmes qui sont toutes seules. Vous pouvez leur parler là. Ah ouais, elles font l'amour au téléphone et tout, ok. Calme ta mère. Calme ta mère. Attends, ouais. C'est du français ça? Non, j'ai dit c'est comme ta mère. C'est comme ma mère. Ouais. Ma mère, tu la connais pas, tu peux pas la connaître, ma mère. Ah si, j'ai ouais, par contre, ce que tu peux faire, c'est... Tu sais préparer des sandwichs? Hein? Est-ce que tu sais préparer des sandwichs? Ouais. Parce que ta mère, ça fait une semaine qu'elle est là, qu'on lui bourre le cul, commence à avoir faim. Mec, il l'a cassé en violence. Voilà, c'est un mec donc qui appelle les pompiers parce qu'il veut parler à une femme et il commence à faire chier le pompier qui s'énerve et l'envoie chier à la fin. Voilà. Ce qui est énorme, c'est que le mec a quand même cru qu'on allait lui passer une femme. Oui, bah c'est ça, ouais. Bon, donc du coup, ça nous avait donné des idées pour appeler le 118. On avait appelé le 118 008. 008 tout à l'heure, ça s'était mal passé avec la première, un peu près mieux avec la seconde, mais au final, t'as pas réussi à pécho. Et très très bien avec la troisième qui a malheureusement juste oublié de me donner son numéro. Voilà. Et puis donc, on appelle maintenant. Donc le 118 712 c'est Orange France Télécom. Bienvenue au 118 712 France Télécom Orange. Allô, bonsoir, je vous écoute. Oui, bonsoir madame. Vous allez bien? Oui, je vous écoute. Oui, non, mais en fait je vous appelais parce que bon, comme j'ai vu que ça allait pas fort chez Orange, je me suis dit que vous avez peut-être besoin d'un petit peu d'amour et de tendresse. Et comme bon, je m'ennuyais ce soir, je me proposais de vous apporter cet amour. Alors là, je suis là pour des téléphones ou des adresses. Hein. C'est gentil de nous appeler pour témoigner de votre intérêt. Bon, si vous voulez une adresse, un téléphone, je peux vous répondre, hein, parce que là, il y a beaucoup d'appels, hein, monsieur. Je comprends. Et peut-être que je pourrais avoir votre numéro et votre adresse. Non. Ah bah pourquoi ? Non. Comme ça, je pourrais vous rappeler à un moment où vous avez plus de temps pour discuter. Oui, mais là, c'est gentil. Non, je ne le souhaite pas. Hein. C'est dommage. Voilà. Parce que maintenant qu'on commence à se connaître un petit peu, c'est quoi votre prénom ? Là, je peux pas rester, hein, monsieur. Hein. Soit vous voulez un téléphone de quelqu'un, d'abonné ou une adresse, mais je peux pas. Je suis très occupée. Hein. Mais voilà. Justement, c'est pour ça que je voudrais pas. Mais monsieur, alors si vous voulez des indications, je recherche à l'ordinateur. Sinon, à titre personnel, il n'en est pas question. D'accord. Mais peut-être que si vous me donniez votre nom et votre prénom, après vous. Je vous dis que non, monsieur. Je vous dis que non. Enfin, c'est dommage, maintenant. Oui, mais peut-être que c'est dommage, mais c'est comme ça, monsieur. Je vous appelle, je suis désolée, je vais être obligée de raccrocher. En plus, je vous souhaite une bonne soirée, monsieur. Attendez, je sentais le feeling entre nous. C'est vrai, parce que la manière dont elle a parlé à la fin, c'est raccroché au nez elle-même. je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, on n'a pas entendu la fin, bon, c'est pas grave. C'est vrai, Jack, il avait raison, on dirait vraiment Micklin de Elise et Moon. Exactement. Mickaël, le podcast. Bon, allez, on y va, on rappelle les 118 000. 712. Non, 712, oui, sur France Télécom, c'est vrai. Allez, on rappelle. Bienvenue au 118 712, France Télécom Orange. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Robert. Comment ? Je dis c'est Robert, ça va bien ? Voilà. Non, j'appelais parce que voilà, je me disais que je ne savais pas trop comment trouver des numéros, alors je me suis dit que j'allais vous appeler pour peut-être essayer d'avoir le vôtre. Oui ? Oui, c'est quoi votre petit nom ? Comment ? C'est comment vous vous appelez ? Moi, Alain, pourquoi monsieur ? Parce que là, je suis là au renseignement, c'est pour donner le numéro, monsieur. Ah ben très bien, est-ce que je peux avoir le vôtre ? Oui, mais pas le numéro personnel, monsieur. Ah ben si, sinon ça m'intéresse pas. Ah bon ? Bah oui, enfin, soyons réalistes. Oui, mais moi, je ne peux pas vous donner mon numéro, monsieur. Ah bon, mais je croyais que... Je suis là pour donner les numéros que vous me demandez. Ben, je vous demande... Dans l'annuaire. Ben, je vous demande le vôtre, vous êtes dans l'annuaire. Non, monsieur. Ah bon ? Vous êtes sur la liste rouge ? Oui. J'adore ça, le rouge. Ça m'a toujours excité. Monsieur, je n'ai pas là pour ça. Hein. Non. Maintenant qu'on a commencé à discuter, ce serait... Oui, mais non, moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour donner des renseignements, monsieur, des numéros téléphonés aux gens qui veulent des numéros. Mais très bien. Si vous êtes là pour me donner des renseignements, combien vous mesurez ? Bonne soirée, monsieur. Au revoir. Mais on ne va pas se quitter comme ça, enfin. Ah, si. C'est ouf, il n'y a que des vieux à France Télécom. Ouais, c'est vrai. Deux appels, deux vieux. Oui, c'est assez bizarre. Alors, franchement, au niveau des voix, je préférais ce qu'on avait appelé tout à l'heure. Ouais, 08 était plus sympa au niveau des voix. C'est vrai que c'était plus jeune, c'était plus sympa. Mais par contre, tu vois qu'à France Télécom, ils ont envie de discuter avec les gens. Hein. Ils ont besoin de parler. En même temps, ces deux-là, ils doivent être au Maroc ou en Algérie. Non. Ah non, eux, ils sont en France. Ça s'entend. Ouais, bon, on sait pas. Hein. Ça s'entend. Ouais, c'est vrai, effectivement. C'est lesquels qui... Tous sauf France Télécom. Ah, tous sauf France Télécom. Non, il y a 008 dans leur pub et ils te le disent que les appels sans d'appels sont en France. D'accord. Okay. Free, c'est sûr, ils sont au Maroc. Ah ouais, alors ça, je te confirme. Free, c'est free. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est free, ouais. Bon, on va faire l'expression du jour. Ouais. Et c'est quand même miraculeux parce que il est 22h07 et nous allons pouvoir la faire. C'est l'expression du jour du jeudi, un jeudi, et avant même la fin de l'émission. C'est beau, c'est beau. Je te rappelle, Mike Roux a essayé d'escroquer il y a 5 minutes. Mais attends, mais t'es vraiment une raclure. Non, mais c'est vrai, elle a raison. Elle a raison. Alors toi, mais d'accord. Tu sais quoi, je vais chier dans ta boîte d'iPhone, je vais la refermer. Oh putain. Je serais déjà lui, rentre plus chez moi. Je serais heureux d'être là, de voir quand elle va l'ouvrir. Oh, c'est même pas où elle est. Bon, allez, on va faire l'expression du jour. On écoute la semaine dernière d'abord. Ah oui, ou pas, c'est vrai, l'expression du. La semaine dernière, c'était quoi encore, j'oublie maintenant. Jeter de la poudre aux yeux, mais on avait remplacé la poudre par du poivre. Écoutons ça. Bon, allez, vas-y. Non, mais je veux qu'il soit proche de moi pour bien qu'il en prenne dans la gueule. Putain, il va souffrir. Et là, Tof, oh là là, putain, il a. Hey, il a pris dans les yeux, je un crois peu. Je crois que ça pique. Mais Tof, il faut pas fermer les yeux. T'en vas pas, reste là. Ça pique. Eh, franchement, Tof, t'as été pro là-dedans parce que on aurait fait. Ça fait mal. Ça brûle le nez. Si je l'avais su à l'avance, je me serais proposé pour le faire à la place de Tof. Quand t'as tendu ta main, j'aurais tout soufflé dans ta gueule, mec. Ah oui, c'est vrai, marré. Oh là là. Ah là. Putain, ça brûle. Reste là. Ouais, c'est vrai que t'éternues pas, c'est bizarre. Hein. Non, mais par contre, ça attaque, tu sais, ça brûle à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est tellement fort que ça fait pas éternuer. C'est horrible, ça brûle. Essaye un peu, Chérou. J'ai l'impression que on tient une allumette dans mon nez, c'est horrible. Bon, Alitof, on va pas y passer la nuit là. Non, mais ça brûle les yeux, putain. Roux. Oh, quel enculé. Ah, il souffle tout doucement en plus. Oh là là, quel non. bâtard. Tu sais, je crois que le vrai truc, c'est la laine de Toff. C'est ça le vrai problème. Sors la langue, gros. Oh putain. Ah, la gueule du Roux. Mais Roux, pourquoi il a toujours fait une tête de con? Roux, tu vois comment c'est sous ton lit maintenant? Ah, ça brûle, putain. Regarde avec ses mains. Regarde, oui, mais ses mains. Oh, Roux, quelle chochotte alors. Ah, ah, ça brûle les yeux, putain. Mais non. Mais si. Mais non. Ouais, franchement, tu sais quoi, on en a fait des trucs, mais là, au point que je puisse pas ouvrir les yeux. Parce qu'au début ça avait l'air de bien se passer hein. Ouais en fait ouais mais c'est un retardement le truc. Ah c'est un retardement. Là, ça vraiment ça brûle mais ça brûle. Voilà. Et donc on a mis quand même 2 jours à s'en remettre. Hein. Oh 2 jours je sais pas mais en tout cas vous avez mis la nuit hein, ça c'est sûr. Ouais, hein, non, parce que c'est vraiment ça faisait mal. Hein, un ça conseil, faisait mal. Même pour rire ne le faites pas c'est ouais. vraiment au chaud. Au début ça va on dit oh, pff, ça passe. Au début ça ouais. allait mais c'est après que c'était violent. Ouais, en fait 10 minutes après le roux il était au-dessous de la table. Voilà 10 minutes après le poivre il fait effet. Ouais, et là c'est le drame. Bon alors du coup l'expression du jour alors c'est dommage on aurait dû faire les deux ensemble puisque là c'est boire à l'œil. Donc on va prendre de l'eau et puis vous allez la boire par l'œil. Enfin vous allez essayer quoi. N'importe quoi. Ça aurait été bien la semaine dernière avec le poivre. Je propose que tu commences. Non, pas avec de l'eau gazeuse, t'es malade. Oh, c'est pareil. C'est pareil, c'est la même chose. Non, non, jamais de la vie, je fais pas ça avec de l'eau gazeuse. Mais si, allez, vas-y. Il y a un autre truc qu'on peut essayer dans la foulée, c'est d'essayer de faire passer le liquide par son nez, il arrive dans ta bouche. Eh ben très bien, Jack, vas-y. Non. Passez-moi de l'eau, mais pas de la gazeuse, je peux pas. Oh, bon, tu me payes un coca si je te donne mon nom. Non, bah non, non. Putain. Non, ouais, ferme-la. Oui, bah je vais la fermer. Ah bah oui tiens vas-y prends celle de Sandro tiens. Ah bah oui oui. Me demandez pas surtout hein. Merci Sandro. Pourquoi t'essayes pas en premier? Parce que je préfère que ce soit toi. Alors. Donc là il doit boire par les yeux. Ah déjà tu vois tout le rouge de l'œil là c'est horrible. Ah. Attends il faut. Quelle horreur. C'est galère hein. Faut que tu penches la tête hein sinon tu vas pas y arriver. Ouais ouais penche un peu. Oh on voit tout l'œil comme ça quelle horreur. Oh c'est moche. Oh je vais faire des cauchemars. Vas-y mets plus là. Bois pas tout roux. C'est t'y ça arrives. T'y arrives. Oh il fait des clins d'œil. Oh il est mignon. T'as un œil super grand et l'autre tout petit. Ah bien je m'en suis mis partout en oui plus. Bah oui bah c'est normal. Moi j'ai rien filmé j'ai tout raté hein. Non c'est pas vrai Sandro. Comment c'est possible de tout rater là. Non refait. Bah, refait équilibre avec l'autre œil. Il a une tête improbable. J'ai l'impression que mon œil flotte. Mets dans l'autre. Non mais la tête, couche la tête comme ça. Ouais, couche un peu la tête. Quelqu'un ouais. t'enverse. Non, ça va. D'accord. Non, tu veux, seul. Tu veux que je le fasse, Roux? Non, non. Vas-y, Roux, vas-y, Roux. Mais t'as confiance? Je suis autodi Adidas. Je suis autodi Adidas. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. C'est de l'eau de source en même temps. Hein. Oui, oui, oui, oui, bien sûr. Monsieur, nous. Ah bah, ouais. Bah allez, Roux. Attends. C'est l'expression, attends. C'est boire à l'œil. Non, ça y est, recommence. Ouais, mais j'ai l'impression que je verse le truc en spray et ça marche pas. Mais. Oui, bah oui. Bon. Allez, vas-y, Roux. Allez, vas-y, Roux. Sois fort, Roux. Sois fort. Vas-y, allez. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus voilà, haut, voilà, plus voilà. Ah là, c'est resté, c'est pas ressorti. Ouais, là, il reste là. Ah, c'est déstabilisant. On dirait que t'as des spasmes. Non, mais on dira Google, surtout. C'est bah ça, oui, je veux bien. Bah oui, oui, bah oui. Bon, très bien. Ça va, t'as bu? Ouais, je suis rassasié. Je suis déshydraté. Mais par contre, j'ai plein de merde dans les yeux, là. T'as l'œil propre. Ouais. Non, j'ai pas la pression du tout. Ah bon? Allez, autour de Toff. Pourquoi bah moi? Parce que j'ai décidé. Ah, c'est moi, t'as décidé. Bah, je l'ai fait lundi, moi, j'ai donné des pêches à tout le monde. Oui, bah justement, t'aurais pu faire ça. Ah non. D'ailleurs, il y a la vidéo qui est sur amical.fm, c'est drôle. Ouais. Genre, je peux essayer une autre technique ou je vais faire avec la badoie, il voulait faire avec de l'eau gazeuse. Ah oui, tu voulais faire le malin, tiens, vas-y. Corson l'a faire. Il est con, il va le faire. Qu'est-ce que ça change, c'est de l'eau. Oui bah vas-y bah. Ça donne du détergent. Non mais si tu veux j'ai du coca. De l'eau de Javel. Si je le fais avec du coca. Non je le fais pas avec du coca. Bah que ça change, c'est de l'eau. Non bah non. Non c'est pas de l'eau. Ah c'est bon, de alors. L'eau avec autre chose. Ouais voilà c'est ça. Alors que ça c'est de l'eau, c'est juste du gaz. Ouais bah oui oui. Ça va être quoi ta technique? Bah je sais pas en fait je voulais. Mais avec celui-là je peux pas le goulot est trop petit, mais avec celle-là je voulais mettre sur l'œil et ouvrir l'œil à l'intérieur. Tu peux, vas-y. Mais ça c'est con parce que c'est comme si t'étais dans une piscine. Ouais, faut que tu ton œil. Faut que tu ouvres le merdier, la paupière en bas là et tu mets dedans. Mais c'est pareil. Allez, vas-y, fais comme tu veux. Bon allez. C'est ah non mais attends, faut que tu t'approches, parce que tu vas tout mettre sur ton pull là. Ah oui, gros, il y a eu un beau pull en plus. Alors. Tu veux que je verse de... Je te remercie. Ah, ouais. Tu veux que je verse ou pas? Non je veux pas. C'est marrant. C'est... Non là t'es. Approche-toi encore. Encore. Là, tu vas, là, vas-y, côté, vas-y. Là. Tu vas juste réussir à tout mettre à côté. Putain, mais qu'est-ce qu'il a l'air d'un con. Vas-y, ouais, encore. Bah, comme d'habitude. Mais... Non, il y a rien. De toute façon, on sait très bien qu'il le fera pas. C'est le gaz, en fait, qui remonte dans l'œil. Bah oui, c'est la même chose. Mais oui, c'est la même chose. Mais oui, c'est la même chose. Donne, je te le fais, moi. Vas-y, vas-y. Je crois que t'aurais du gaz avec l'eau plate. Vas-y, vas-y, vas-y, encore. Encore. Voilà. Il est malade. Mais c'est la même chose. Non, mais parce qu'on lui a mis une petite carotte quand même. Hein. On lui a dit, mais non, vas-y, c'est bon, t'as le temps encore. Alors que non. Alors que c'est juste. Il s'est mis la bouteille entière dans la gueule. Ça fait mal, hein, l'eau pétillante. Hein. Mais non, t'inquiète, c'est un lavage. Mais non, mais c'est la même chose que l'eau plate. Oui, c'est la même chose que de l'eau plate, ça m'aurait fait aussi mal. Ah bah, mais non, vérifions. Non, non. Enfin, oui, fais avec de l'eau plate. Eh bah, fais avec de l'eau plate maintenant, dans l'autre œil pour voir, tiens. Allez, vas-y. T'as qu'à le faire, toi. Mais. Je pourrais pas vérifier comme ça là. J'ai... Regarde, il y a deux bouteilles. Bah non, on va pas te recommencer à zéro. T'as déjà un avantage sur moi. T'as déjà commencé quelque chose. Oui, ça serait dommage. C'est vrai. Et puis j'anime. Regarde, parce que si je fais ça, tu sais, je suis loin. Le temps qu'on fait. Ah, on t'entend bien. T'entends super bien. Non, regarde. Parfait. On a fait une fois. Ça ira très bien. Là, je suis loin. Tu vois, on m'entend plus. Ouais, ouais. C'était ton micro éteint. Mais ça n'a rien à voir. D'accord. Bon, je suis de retour. Bon, donc t'essayes pas. Alors, t'es une petite bite, Tof. Non, j'essaye pas. Non. Ouais, ça fait mal, ça fait mal. Ouais, ça fait super mal. Mais non. Parce qu'en fait, t'as la sensation que ça passe derrière l'œil et tout. Bah oui. Ouais, parce que là, en fait, là, j'ai l'impression que l'œil, il est dans l'eau. Quelle chochotte alors. C'est dingue ça quand même. Qu'est-ce que tu parles trop, toi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu fais rien et après, ouais, quelle chochotte. Ça va. J'ai fait tourner autour du pot l'année dernière. Et on se souvient du résultat. Bah oui, je me suis blessé. Mettez-vous aussi un peu à la place des poissons, quoi. Quoi. Ah mais Sandro, dans quel monde tu vis là. Ça c'est. C'est incroyable de dire une connerie comme ça. Bidon. Ils ont de l'eau qui rentre, c'est ouais, pareil. Oui, je comprends, oui. Mais ils sont habitués. Tu t'es mis à la place d'un poisson, tu vois. Bon. Michael, le podcast. Le chéri, je t'ai fait cocu dans quelques instants. Et puis là, vous savez que Canal avait lancé là le plus belge la vie toute cette semaine avec des films belges, d'auteurs belges, d'acteurs belges, d'histoires belges. Mais pourquoi avoir fait ça cette semaine? Il y a un truc spécial chez vous, je sais pas, la Saint-Glinglin, enfin j'en sais rien, mais un truc. 15 octobre ou non? Non, c'était par rapport au. C'est pour les 30 ans du salon de la. Wallonie, ah oui, c'est en ça. En face de Beaubourg là. Exactement, attends, ouais. Et pour un anniversaire d'un centre culturel en plein milieu de Paris, Canal Plus se dit tiens, on va faire une semaine spéciale. Canal a le sens des valeurs et exactement, a le sens des priorités. Voilà. Et ils savent où chercher le bon cinéma. N'importe. C'est pour ça que les gens payent pour du bon cinéma. C'est bon. Quoi les vrais films belges? Les films belges, mais c'est arrivé près de chez vous? D'accord. Voilà. Il y avait machin la Toto le héros. Rosetta. Oh non mais Rosetta. L'enfant. Rosetta il a été primé à Cannes. Ouais. Ouais. Il y avait aussi le j'ai dernier là. 20 minutes. C'est d'une. Oh, qu'est-ce qu'on se oui, fait chier dur, quoi. Mais tu sais c'est gris quoi, c'est Bruxelles. Ouais. Oh là là. Et il y avait aussi le dernier que t'as bien aimé. Dikenek. Ouais mais ça c'est pas pareil. Ah et pourquoi? Je sais pas, mais parce qu'ils se foutent de la gueule des Belges. C'est l'autodérision donc forcément. Mais oui mais c'est ça, c'est ça dans les Belges films. Ils passent leur vie à ça. C'est arrivé près de chez vous, c'est pareil. Bah Rosetta là, je sais pas quoi, c'est pas l'autodérision. Ah mais ça c'est particulier, c'est l'autosuicide. C'est le film de société on appelle ça. Bon bref, donc on avait diffusé tout à l'heure ce que pouvait donner Prison Break si ça avait été tourné en Belgique. Et là on a une autre idée avec Heroes. Je parie que j'ai le pouvoir de boire au moins 3 godets d'un litre en moins d'une minute. Regarde. Oh là, la chiclideuse. Ça, c'est de la gnognotte, hein. Moi, je suis un cœur plus fort. J'ai le pouvoir de roter mon prénom. Ouais. Oh, mais Virginie, tu nous resserres la petite sœur. Énergie et Canal Plus présentent Arrose. Bientôt sur vos écrans. Juste un détail, qui a fait l'accent belge au début, une meuf comme ça? Alors tu sais très bien, mais on s'en fout, puisque de toute façon il n'y a que les Belges qui vont le remarquer. Non, ah non, là les Français remarquent aussi que ton accent belge n'est pas franchement, belge. J'ai reçu des SMS de toute la France qui se foutent de ta gueule. Mais je leur ai dit 20 fois, quand vous voulez faire un accent belge, me prenez pas moi. Mais c'est pas que le belge, fais l'accent marseillais un peu. C'est quoi déjà? Attends, donne-moi une phrase. Donne-moi une phrase, c'est un peu comme ça. Ça va mieux, il y a de l'effort. L'accent c'est suisse. C'est plus Toulouse, non? L'accent suisse. Oh bon, Maltine. Dis la même phrase, mais avec l'accent suisse. Emmental. C'est comme ça qu'il parle un peu. Non, là c'est allemand. En Suisse. Là, c'est l'allemand. En fait, tu vois, il n'y a que l'allemand que je maîtrise très bien. Le problème, c'est la géographie en fait. Non, je suis très mauvaise en accent. Je peux faire que l'accent du 9-3. Que le wesh. Ouais, c'est ça, exactement. Que le wesh. Ouais, t'as raison. Ouais. Bon, donc c'était Heroes. Et puis maintenant, bah, vous vous connaissez tous Sous le soleil. Le soleil. Le sud de la France. Saint-Tropez. Et puis un. Il y a une version belge aussi. Oui. Sous la pluie. Alors que Caroline attendait son grand frère sur la plage d'Ostende, le quatrième orage de la demi-heure éclatait. Caroline était trempée, mais elle tenait à annoncer la bonne nouvelle à son grand frère. Pendant ce temps, Hervé, lui, avait des problèmes beaucoup plus sérieux. Qu'est-ce qu'elle veut, bordel, la petite sœur? Et puis prévenir au dernier moment, comme ça. Ah, elle est là-bas. Ouais, coucou, ouais, c'est ça, ouais. Putain, j'ai une vie, moi, merde. Je suis contente que tu sois venu, grand frère. Oui, bah ne traîne pas, d'accord? Je suis déjà en retard au bistrot, là. J'ai vraiment quelque chose d'important à te montrer. Oui, bah fais vite, je te dis. Je te signale que je devrais y être depuis 5 minutes. Ça fait déjà 2 demi de retard, là. Tiens, prends-le. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, là? C'est un test de grossesse. Par contre, je crois que t'as renversé de la bière dessus. Oh non, j'ai juste fait pipi dessus, hein. Bah ouais, peut-être. Mais alors? C'est tout ce que ça te fait, grand frère? Oui, bah on va pas en faire toute une histoire non plus, hein. Moi aussi, quand je pisse, ça sent la bière. Non, mais c'est pas ça, Hervé. Je suis enceinte. C'est ça que ça veut dire. Mais... ça sent pas le bébé? Alors, ça te fait plaisir, grand frère? Ben oui, oui. Et c'est qui le père alors? Bah, c'est toi. Oh. Putain, vous êtes vraiment des cons. La pluie. Hervé saura-t-il se relever après cette terrible nouvelle? Si oui. Hervé saura-t-il se relever après la terrible cuite qu'il va prendre pour oublier cette terrible nouvelle? Caroline, va-t-elle arrêter la bière maintenant qu'elle est enceinte de son frère? Vous saurez tout dans un nouvel épisode de la version belge de Sous le soleil. Sous la pluie. Vous auriez dû faire sous la grisaille. Ça dit, si je peux vous conseiller une super série belge, il y a peu de gens qui l'ont vu, ça s'appelle Matrioshki. C'est en fait c'est sur le trafic des qu'est-ce qu'il y a? Non, ouais. Mec qui nous fait signe. Vas-y, raconte, je te dirai ce qu'il fait, de quoi il fait, pourquoi il fait signe. C'est sur le trafic des putes en fait, tu sais, qui vont chercher en Estonie tout ça. Ah, de, le trafic de comment on d'êtres humains. Le trafic d'êtres humains. Mais... bon, qu'est-ce que j'ai dit? Attends, parce que en fait Michael, dès que t'as oh, dit c'était le... pour faire rire. Le oh trafic. Dès qu'en fait Jack il a dit le nom de la série, Mike il me mimait. C'est de la merde. C'est vrai, t'aimes pas? Je sais pas, j'ai jamais vu, je prends le faire. Ah chier. D'accord, ok, c'est ouais. Gratuit en fait. Je précise ouais. Juste au roux que la deuxième saison n'est qu'en flamand. Oui, en c'est plus. Pratique, ça. Oui, c'est pratique. Par contre, juste un petit détail, la prochaine fois ne dites pas peut-être, dites peut-être. Peut-être. Peut-être. Peut-être. Ouais, excuse-nous, on maîtrise pas encore le dialecte. Oui, bah ça j'ai bien remarqué, hein, vous inquiétez pas. Bon, on va faire le chéri, je t'ai fait cocu maintenant avec Oula. Non. Allô, je sens pas, là. Florence? Allô? Oui. Ah, ça va mieux là, tout d'un coup, je sais pas pourquoi. Comment ça va, Flo? Ça va très bien, un peu malade, mais ça va. Bah, qu'est-ce qui se passe? J'ai un peu la grippe. Ah merde, la grippe A? Ouais, la grippe A, mais ça se transforme pas par téléphone. Ah, ah, mais, hein. T'as la grippe A, putain? Non, t'as la... j'ai pas la grippe A. Ah, mais t'es grippe. Sûr? Oui. Ça se trouve, dommage que sinon t'as gagné, et puis basta. Hein. C'est si tu nous prends comme ça, il hein, n'y a pas de problème. Bon, Florence, donc on va faire un petit chéri, je t'ai fait cocu maintenant. Oui, mon pauvre chéri. Oui, alors, bah, tu fais ça, mais au final, c'est dingue ça quand même. Mon pauvre chéri, ah, tu sais, oui, il va souffrir. En fait, c'est juste pour l'enregistrement après quand elle va lui donner, ouais. Pour qu'il voit qu'au début, tu vois, on l'a forcé à le faire, quoi. Parce que non, c'est ça, que hein. Personne m'a forcé. Non, je le fais pour lui, pour avoir un cadeau, parce que j'ai pas beaucoup d'argent. Oh. Tu vas nous faire pleurer, ton cul à la place. Oh. Alors, Jack. Ouais, je préfère qu'elle me, si j'ai une meuf, je préfère qu'elle me fasse croire que je suis cocu qu'elle 5 minutes, plutôt qu'elle donne son mieux à quelqu'un d'autre. Et puis toi, Jack, tu vas arrêter de regarder cette série dont tu viens de nous parler, hein. Matrioshka. Voilà. Bon, Florence, on va donc l'appeler dans quelques instants. Comment s'appelle-t-il? Julien. Très bien. Est-ce que tu penses que ça peut pas énerver plus si tu l'as trompé avec une meuf? Je sais pas. Non, ça va pas l'énerver, laisse tomber. Ça dépend, non, non, mais que ce soit avec une meuf ou avec un garçon, avec n'importe qui, je peux le tromper, je pense qu'il va très mal le vivre. Bah voilà, Mike a la pêche ce soir, donc ça tombe bien. Ouais, comme Sandro doit jouer avec ses applications là. Non. En fait, elle a tellement peur de le prendre, ce téléphone, qu'elle a mis de l'autre côté de la table. Bah oui, comme ça, il est hors de ma vue, parce que sinon, c'est un réflexe. Bah donne-le-moi. Non. C'est dommage, j'aurais tenté. Bon, il s'appelle comment alors, Flo? Julien. Ah oui, pardon, excuse-moi. Quel âge il a? Comment? Quel âge a-t-il? 22 ans. Oh, tu les prends petits? Mais ça va. Oh, ils sont plus dociles à cet âge-là. Ouais, puis sont... Oui, il y a un an et demi d'écart hein, quand même. Hein. Ouais, et puis ils sont plus performants. Ça, ça reste à voir encore. Bon, tu l'as rencontré il y a combien de temps? Ça fait 5 mois. Très bien. Tu l'as déjà trompé? Évidemment. Non, ça va pas ou quoi? Et en vrai? Non, ni en vrai, ni en faux, ni en rien du tout. Quoi. Ah si, en faux, tu vas te tromper. Là. Bon, voilà, très bien. Et on est censé s'être rencontrés où? On est censé s'être rencontrés sur mon lieu de travail. Et tu travailles où? Enfin, dans quoi? Oui, mais il faut que je sache. Non, mais dans c'est quoi comme... c'est une boutique, c'est quoi? Non, je travaille en fait dans un carré officier. Donc moi, en fait, je travaille beaucoup au niveau du bar aussi et au niveau de la salle, quoi. D'accord, donc moi, je suis serveur. Dans l'hôtellerie, restauration. Non, c'est l'inverse. C'est moi, je suis barman et toi, t'es serveuse. Non, moi je suis derrière le bar, barman et serveuse, et toi t'es un officier qui vient me prendre ton café. Toi tu es un militaire. Jours. D'accord, je suis militaire, très avec bien. Avec un bel uniforme. Quel grade, j'en sais rien moi. Sergent. Quel grade, capitaine? Non, un officier. Officier. Tu ne connais rien. T'es officier de police, quoi. Non, pas de police, militaire. Oh là là, Sandro. Ouais. Bah, excuse-moi, il y a aussi des officiers de police. Oui, enfin, Josiane. Oui, mais c'est ceux qui viennent voir ta bagnole si elle a dit que la perquise. Elle a dit qu'il jetait militaire. Bah, on connaît pas, tu vas pas nous faire chier. Oh, attends. Je suis officier, point. Voilà, t'es capitaine. On va l'appeler, je suis capitaine. Voilà. Ouais. Ah, c'est bon, capitaine. Un capitaine, c'est pas mal. Moi, je trouve ça nul. Oh, tais-toi. C'est une belle terne. Bon, on y va, Florence. On va l'appeler dans 3 minutes. Tu restes là? Ouais, ça marche. Bon, ne bouge pas de là, Florence. C'est bien, je pense qu'on va l'énerver, le gars. Ouais. Avec capitaine, tout ça, tu vois, ça le fait un peu quand même, hein, non? Capitaine, oh là là, ouais, ça c'est un mot qui énerve tout de suite, hein. Ah ouais, bah, tu vas voir. Ouais, on alors, il l'a entendu, là, il est vénère, hein. Oh, tais-toi, Roux. Florence, on appelle donc ton mec, tu le chauffes, bien sûr, tu vas jouer pour un écran plat LCD ou une PS3 ou un appareil photo numérique, tu verras. D'accord. Ah, bah, les trois. Oui, non, mais il faut pas rêver non plus, ma chérie. Hein. Ah, mince, pardon. Bon, tu verras après, on en discutera avec monsieur après s'il survit. Bon, s'il pleure, c'est perdu, bien sûr. Hein, donc, fais-la intelligemment et au plus il s'énerve, au plus tu repars avec des cadeaux, d'accord? Ça marche. Allez, bonne chance. Et comme je suis censé être derrière toi, bien sûr, tu me réponds quand je te parle. Et on est chez moi, hein, précise-le. Ah, d'accord. Je croyais qu'on était au carré. Vous êtes dans un bar ou normalement? Non. C'est mieux chez moi comme ça, c'est plus tranquille. C'est la caserne. Bah, le bar, il peut se pointer en plus. Allô? Oui, chérie, c'est moi. Oui, allô? C'est moi, chérie. Tu m'entends? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu dormais? On entend mal. Allô? Oui, le gars, c'est pas... Hein? Mon cœur. Quoi? Oui, tu m'entends? Oui. Oui, je t'appelle parce qu'en fait, il fallait que je te dise quelque chose. C'est qui le gars que j'ai entendu derrière parler, là, qui disait on entend mal? Bah, c'est un copain. Un copain à quelle heure? À 22h30, t'es pas de service? Bah, non, je sais, en fait, c'est pour ça que je t'appelle. En fait, ces derniers temps, je te trouve un peu distant et il y a un gars au travail, il m'a fait un peu du gringue et... Et là, du coup, bah, je suis chez lui, je suis parti boire un coup chez lui, là. Quelle saloperie. C'est de ta faute si elle te trompe. Une blague? Allô? Non, c'est pas une blague. Ma foi, t'es, je trouve que t'es pas je trop dis là. Je ne pas faire un truc dramatique. Tu t'en fous un peu de moi, et alors... Là, nous... Je parie que c'est vrai, tout ça. Ouais, je t'achète un iPhone. Bah, ouais, mais... Ouais, mais attends, aussi, ma foi, c'est comme ça, quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas un iPhone, j'en sais rien, quoi, merde, voilà, quoi, puis de toute façon, c'est comme ça, et puis, c'est quoi, tout. Tu crois qu'il n'y en avait pas assez eu, des problèmes, là, avec l'autre connasse, là? Bah, ouais, mais bon, t'es aussi... T'es pas content, avec 4 barrés, t'es obligé de faire des merdes comme ça, là? Bon, Flo, c'est fini, là, ou pas, au téléphone? Ouais, non, c'est non, qui non, veut, non. Là, PD, là, derrière, là, c'est qui, d'abord, qui veut? Qu'est-ce qu'il veut? Non, mais... Ça me dégoûte là. Qu'est-ce qu'il veut ce fils de pute? Tu savais pas que t'avais un copain là? Qu'est-ce qu'il veut? Flo, qu'est-ce qu'il veut? Ouais, bah en fait il est vénère parce que... Oh, il y a pas mort d'homme, il y a pas mort d'homme. Qu'est-ce qu'il veut lui? Il y a pas mort d'homme. Ouais, c'est un capitaine, tu sais, c'est le 3 galons dont je te parlais qui me faisait du gringue et tout, et voilà. 3 galons de quoi? Qu'est-ce qu'il y a alors? C'est quoi? T'as succombé à 3 trucs très jeunes, toi? C'est quoi cette connerie là? N'importe quoi. Hein. Ah ouais, mais. Vous êtes où? Vous êtes au carré là? Non, non, on est chez lui, il habite pas très loin, on est à Nîmes. Fils de pute, sur ma parole, s'il sort son trou du cul du carré quand je le vois, lui, je le tue, je te jure, je le tue. Oh, qu'est-ce qu'il dit, Flo? C'est vraiment une connasse, mais tiens, il veut te faire la peau. Il quoi? Il veut te faire la peau. Qu'est-ce qu'il veut? Il est fou, quoi, il sait pas à qui il parle. Bah ouais, mais qu'est-ce qu'il veut? Mais putain, c'est quoi les connards de ce monde? Bon, attends, passe-le-moi. Ouais, bah tiens, je te le passe. Qu'est-ce qu'il veut? Allô? Mais qu'est-ce que tu veux? Non, on dit bonjour, mon capitaine. Bonjour, mon capitaine. Merci. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez? Mais déjà, tu vas fermer ta gueule, espèce de... Pardon? Je vais te trouver le cul, moi, tu vas voir. Excusez-moi, je pense que j'ai mal ouï vos propos, là. Quoi, vos propos? Qu'est-ce que tu veux, vous voir, là? Tu crois que quoi? Tu crois que je suis encore militaire? Trou du cul, je suis un civil, je t'emmerde, moi. On dit oui, mon capitaine. Mon capitaine, c'est une blague. Bon, allez, qu'est-ce que vous voulez? Si tu veux, toi. Comment ça, qu'est-ce que je veux? Moi, je ne veux rien. Si tu la veux, tu sais quoi, t'as qu'à venir à Istres, elle sait où on habite encore. Viens à la maison, tu vas voir, on va se battre pour une gonzesse. On va se... la gueule qu'elle voudra plus. Bah, je me bats déjà pas à la guerre, alors, pour une meuf. Non mais c'est vrai, je veux dire, t'es en train de me chauffer là, soit disant, oui, bah ok, je suis capitaine et après. Hein? Je te ramène jamais à Istres parce que toi, je te défonce. Mais tu vas rien faire. Je vais rien faire de Mais moi. Tu vas rien faire. Tu lui avais offert quoi comme iPhone? J'ai entendu ça et t'avais offert un iPhone, c'est ça? T'es dans la foutre, tu vois, tu l'as pas dans la main, espèce d'abruti, là, que t'es... Bah, je peux l'avoir dans la main, si tu veux, c'est pas un problème. Moi, tu dragues une fille qui a un mec, toi, déjà, là. Ah bah mec, c'est comme... à la chasse, hein. À la chasse, tu regardes pas les détails, hein. Tu vois, tu tires, tu gagnes, voilà. N'importe quoi. Allô? Mais qu'est-ce que tu veux? Mais je sais pas, moi, tu étais en train de t'énerver, de m'énerver, là. Moi je comprends pas, il y a pas mort d'homme. Mais j'ai autre chose à faire. Je suis avec une meuf là, pourquoi tu veux que j'aille voir un mec? Bah, et que tu viennes parler alors là, dégage, casse-toi. Mais toi qui étais en train de m'insulter, que tu voulais me trouer le cul, je sais pas quoi là. Ouais, va te faire enculer, mais c'est bon, quoi, dégage, passe-moi à mon ex là. On dit oui, mon capitaine. Mais quel capitaine? Mais ferme ta gueule et dégage. On dit oui, mon capitaine. Pardon? Dégage, casse-toi. Toi, lâche ce téléphone de merde là et passe-moi l'autre. On dit oui, mon capitaine. Bah, j'ai l'impression d'être au truc du téléphone. Pardon? C'est bon, passe-moi le truc là. Oui, mon capitaine. Non, j'ai pas compris, je ne comprends pas cette langue. Oui, mon capitaine. Tu vas me la passer, bordel de merde, oui? Ah, presque. Capitaine derrière. Espèce d'enculé, va. T'as pas d'âme de voler des femmes des autres là? Oh là là. Prends-moi l'autre. Oh, je vais pas verser une larme aussi là. Bon. Je te dis, dégage. Oui, mon capitaine, et je te la passe. Y a pas moyen que je dise ça. Ah oui, mais enfin voilà, y a pas moyen que je la passe alors. Tu vois que t'as pas vraiment envie de la récupérer en fait, t'es pas fan. T'es pas amoureux. T'es pas fan de quoi? T'es pas amoureux. T'es pas amoureux, ça fait 6 mois que je suis avec, ça fait 6 mois que je vis que pour elle, et toi tu viens, t'arrives comme ça. Oh. Bon, je vais verser une larme. Je vais verser une larme, c'est bon, le mec il fait, ça y est, il a un bac plus 3, il a 3 galons parce que ça fait 10 ans qu'il est dans la marine et c'est ton mignard. Et oui, je suis marin. Et quand je t'aurai éclaté la gueule contre le trottoir, tu feras moins le malin, espèce de marin à la con. Oh. Allez, de toute façon, la marine c'est la honte de la France. Ah non, pas du tout, monsieur, c'est grâce à ça qu'on arrive à pêcher les meufs, l'uniforme. L'uniforme de quoi? L'uniforme marin est pourri. Exactement, oui, bah peut-être, mais on arrive à serrer grâce à ça. C'est serré grâce à ça, tu crois que quoi? On voit tous les jours des gars comme toi. Alors, bah peut-être, mais attends, c'est moi qui ai choisi. Bon bref, oui, mon capitaine, et je te la passe. Casse-toi, je te dis, bordel de merde, vous commencez à me saouler là, tu me la rends, elle est où là? Bah elle est à côté de moi là, oui, mon capitaine. Et bro, elle dit rien, passe-moi là. Bah parce que je lui dis de se taire. Non mais alors? Tu lui dis de se taire, et qu'est-ce que tu crois qu'elle va t'écouter comme ça, comme une... Bah bien sûr, c'est une meuf, je te rappelle, je suis capitaine. Je signale que c'est pas ses horaires de travail, capitaine ou pas. Alors, je veux pas le savoir. Regarde la preuve. Florence, dis oui, mon capitaine, pour montrer que tu suis. Oui, mon capitaine. C'est bon. Tu vois? Allez vous faire foutre. Allez, dis oui, mon capitaine. C'est bon. Passe-moi là. Oui, mon capitaine, et je te la passe. C'est quand même incroyable d'être têtu comme ça. Oh là là, il parle dans ses dents. Tu vas arrêter de me casser les couilles, tu vas me la passer, putain. Dis-moi oui, mon capitaine, et je te la passe, c'est incroyable. Je te la passe, c'est incroyable. Non. Tu vois, ça t'arrive à répéter, mais pas l'autre. Bon, dis capitaine et basta. Allez, tu vois, je suis encore gentil, on coupe la poire en deux. Capitaine quoi ? Capitaine quoi ? Tu les mérites même pas, tes galons. Peut-être, mais je les ai eus. Et la voiture, ici, nous, on a la discipline. Mais j'ai la discipline. T'as la discipline de quoi ? De la discipline. Je suis marin. Tu représentes la France en faisant ça ? Exactement. Mais c'est bon, je tourne ma gueule, repars au cours, va refaire ton certificat d'aptitude, ou toi, de toute façon, tu as fait quoi, toi? Le certificat d'aptitude militaire, pour toi, c'est un mois et demi? Oh, le pauvre petit chou, il a mouillé ses doigts. Allez, attends, bon, excuse-moi, tu disais, j'étais en train de parler. Qu'est-ce que t'as dit? Bah, c'est bon, ferme ta gueule, passe-moi mon ex, passe-moi là. Tu veux mon capitaine? Bon, et tu sais quoi? Non, mon capitaine, alors, tu veux me la passer? Ah, il y a de l'effort, hein. Tu vois, t'aurais pas mis non, je te l'aurais passé, mais là, t'as fait le malin. Je suis tombé sur un arbre aussi en plus. Allez, garde à vous. C'est ça, fais ta mémé en plus. Allez, passe-moi là. J'ai la musique sur mon iPhone, attends, voilà. Garde à vous. Allô. Pas possible, tu peux pas faire ça. Bon, oui mon capitaine. On va mettre cette chanson dessus. Oui mon capitaine. Non mon capitaine, alors bouge-toi de la filer. Bon, je te laisse 3 minutes pour réfléchir et je te rappelle. Et quand je t'appelle, au moment où tu décroches, je dis oui mon capitaine et je te la passe, ok? T'es une frané toi, mais t'es bon. Craqué, c'est allez. Bon, barrez-vous, allez vous faire votre vie ailleurs. Allez, à tout de suite mon grand, demain, ok? Ouais, je crois ça. En vous. Ah, ouais. On dit oui mon capitaine, je vous rappelle allez, dans 3 minutes, d'accord? On y croit. Garde à vous. Ouais, c'est bon. Hop, terminé. Le pauvre, c'est dégueulasse Florence ouais, de faire ça. Tu l'as bien vénère. Il a un peu de mal avec la discipline. Oui, mais j'ai du mal à le garder en. Hein, à le garder. Hein. Il a l'air un petit peu dissipé comme ça. Il a l'air énervé, je comprends pas. Bon, on le rappelle dans un instant, Flo, d'accord? Ça marche, ok. Non, dis oui mon capitaine. Oui mon capitaine. Tu vois? Voilà. Et je rappelle que dans la marine, juste la PS. Juste un truc. Ouais. Juste un truc. Dans la marine, on dit pas mon capitaine, on dit capitaine tout court. C'est pas grave. Ouais, tu n'en sais rien de toute façon. Ouais, oui, de toute façon, oui, c'est pas grave. Hein. Ouais. On va pas en se faire France, chier. On dit pas, il parle dans ses dents non plus. Hein. Il parle dans sa barbe. Oui, bah enfin, s'il a pas de barbe. Oui, bah enfin. Ah, vous n'avez pas pensé à ça? Il réinvente les expressions. Tu peux parler dans tes dents, toi? Vas-y, faut voir comment on fait. Tu fais comme ça? Ouais. Tu vois, tu regardes ça? Pas mal. Ouais, pas mal. C'est ça. Mickaël, le podcast. Et puis Florence, qui est de retour pour Le chéri, je t'ai fait cocu. On va rappeler ton copain? Hein? Oui. Bon, je vais être un peu méchante, mais non. Sans trop non plus, parce que. Mais si, mais j'étais un peu. J'ai eu peur de sa réaction, donc c'est vrai que je disais pas trop grand chose. Non, mais ne sois pas méchante et dis-lui que tu prends deux fois plus ton pied avec le capitaine. Voilà. Bon, je. Pas être méchante. Je le rappelle et non, dis-lui que tu t'as appelé derrière mon dos parce que je suis vite, j'étais dans la cuisine, la salle de bain, peu importe, ou aux chiottes, peu importe. D'accord? Ouais, ok, ça marche. Ok, ça roule. Parce que sinon, il est têtu comme il est, il va jamais dire mon capitaine et on va tourner en rond, pense. Non, pardon. Il le dira pas, c'est ouais, clair. Je te confirme. Par contre, toi, quand t'arrives, elle peut dire oh, oui, mon capitaine. Ah oui, c'est bon ça. Allô? Oui, c'est moi. Ah putain, t'as rendu ton téléphone enfin? Non, mais en fait, il est parti au chiottes. Mais ça va, c'est pas la peine de le prendre comme ça, quoi. Il est pas méchant, hein. Lui, il est pour il rien. Il est pas méchant, hein. Il est pas méchant, c'est vous êtes des abrutis, toi. Mais c'est un petit peu de ta faute aussi, sur toute la terre, il y a voir ailleurs, quoi. Ils m'ont pas écouté de ce que tu dis. De toute façon, sur la terre, il y a que des enculés, quand je trouve quelqu'un de bien, on va sortir le violon. Non, lui aussi il est génial, quoi. Franchement, c'est l'éclate et tout, c'est l'extase. Je suis quoi, moi? Bah ouais, je sais pas, il est bien lui aussi. Il est bien lui aussi. Bah ouais, ma foi, je m'entends. Eh, bah, il va être content dans 6 mois quand t'en trouveras un autre. Tu vas tomber sur un commandant et tu vas faire quoi? Ça va, c'est bon. Steve, fais-moi passer pour une pute aussi. Dis donc, tiens. Excuse-moi, c'est toi que t'es en train de dire qu'il est bien lui aussi. C'est toi que t'as bah, dit. Non, parce que tu me dis que toi t'es quelqu'un de bien, mais lui aussi, quoi. Ça va, c'est bon. C'est pas de sa faute, quoi. Lui, il a rien demandé. Il savait que j'avais quelqu'un dans ma vie. Sauf qu'il a vu que j'allais pas très très bien. Bah voilà, il m'a réconforté. Il s'est passé ce qui s'est passé, quoi. Voilà. Comment ça, il s'est passé ce qui s'est passé? Ah, il savait pas bah, quoi. Ouais, voilà, il s'est passé ce qui devait se passer, et puis basta, maintenant c'est bon. Ça fait combien de temps en plus que tu me fais tourner pour un con, là, comme ça? Bah, ça va, ça s'est passé ce soir, quoi. De quoi qu'il s'est mais passé ce soir? Je suis honnête et je t'appelle, quoi, je te le dis. Bah, j'ai été chez lui, et voilà, on a commencé à s'embrasser. Ça fait un moment qu'il te tourne autour, c'est ce soir? Mais ou oui, mais lui, ça fait un moment qu'il me tourne autour, mais voilà, moi j'ai passé le cap que ce soir, parce que voilà... Je trouvais que ça allait pas et ben voilà, fallait bien faire quelque chose. Tu pouvais pas en parler au lieu de faire n'importe quoi là? Bah attends, ma foi, t'en parler, est-ce que tu t'es déjà vu? On peut pas te parler, ma foi, je fais ce que je peux. On peut pas me parler, on peut pas me parler, ma foi, c'est sûr que quand on vient me parler et qu'on me dit qu'on vient de s'envoyer en l'air avec quelqu'un d'autre, allez, je suis pas très content. Mais ça va, c'est pas très grave, quoi, c'est bon, il y a pire. Non, c'est pas très grave, un coup de quéquette, c'est vrai, c'est rien comme bah il oui, dit, putain, non. Bon, Florence, bon, je vais le rappeler, là. Oui, non, mais je l'ai rappelé déjà. Ah, tu l'as déjà rappelé? Ouais. Mais il a dit oui, mon capitaine. Lui, là, mais garde ton téléphone. Hein ouais, si, quand il a décroché, il a dit oui, mon capitaine. Alors, vas-y, tu t'en fous quand tu parles, ça continue comme avant. Alors, si je te fais chier, t'as qu'à le dire. Non, mais attends, tu permets, je suis en train de parler, quoi. Pourquoi il permet pas, là? Ouais, non, il est en train de râler, là. Il fait sa crise. C'est pas de sa mais si, non, mais attends, si je vous dérange, je vois pas pourquoi vous me rappelez. Vous avez qu'à faire votre merde tous les deux, là. Et vous me lâchez un peu, parce que j'en ai plus rien à branler, maintenant, ok? Oh là là. Tu veux pas que sorte les violons, là? Oh là là, mais comment t'as mis le haut-parleur qui n'entend ce que je dis l'autre? Bah oui. Non, j'arrive à comprendre comme ça juste en regardant le fil du téléphone. Mais c'est bon, toi, ta gueule, occupe-toi de ta vie avec ta meuf maintenant et laisse-moi régler ce que je veux avec mon ex, ok? Eh oui, mon capitaine. Pourquoi ton ex? Je suis pas ton ex, on est encore ensemble à ce que je sache. Ah ouais, dis-lui quoi, j'en veux pas, moi, je repars 6 mois, là. Je pars en la mer du Nord. Tu dis, toi, ça te dit, alors arrête de gueuler, là, dans le téléphone, tu comprends rien. Mais c'était juste l'histoire d'une soirée, je suis pas ton ex, ça va. Bon, repasse-le-moi, je vais l'expliquer. L'histoire d'une soirée, alors que tu me fais qu'est-ce que tu me casses? Mais qu'est-ce que tu me casses les couilles avec ce téléphone, c'est juste une soirée. Allô? Tu peux pas faire comme les 75% des couples dans la France et à mentir, là? Mais allô, qu'est-ce que tu veux, toi? Mais... C'est incroyable, ça. Bon, j'allais dire que moi, c'était juste un one-shot, hein, j'en veux pas, hein, moi, je pars 6 mois après en mission à la mer du Nord, donc... Mais 6 mois, bien sûr, on y croit. Et, mec, mais il se fout vraiment de ma gueule, 6 mois. Ah oui. Ça existe pas, 6 mois. Qu'est-ce que t'inventes, toi? Regarde, de janvier à juin, il y a 6 mois. Ça, on part plus 6 mois. C'est... Bon, enfin, c'est quand même incroyable. Je sais quand même mieux quand est-ce que je pars et quand est-ce que je reviens. Mais toi, tu bon, tout ça pour dire que je pars à la mer du Nord. À la gare du Nord, c'est ça, ouais. Bien sûr, à la gare, il m'a sorti à la gare du Nord. C'est quoi cette connerie? Qu'est-ce qu'elle a derrière? Non, mais je passe par la gare du Nord pour aller jusqu'à Anvers. Et puis, je prends le bateau pour la mer. Ah, t'es bon en géographie, toi. Bah quoi, ça marche? Je voulais dire, c'est la guerre du Nord. Oui, voilà, c'est la guerre du Nord. Parce qu'en fait, il y a une guerre qui éclate entre la Finlande et le Danemark. Non, c'est les Flamands et les Wallons qui se tapent ensemble. Exactement. C'est la guerre baltique. Les Wallons, il m'a sorti les Wallons. Voilà, et les Belges veulent tuer le roux. Et donc, ils vont le rechercher. Bon. Moi, oh, ça va, oh là là, si on peut plus discuter entre nous maintenant. Qu'est-ce qui est chiant, ça là? Combien, c'est quoi votre problème, bordel? Bon. C'est toi, là, tu nous déranges, merde. Julien. Julien quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah c'est toi, non? Non, moi c'est Rosita. Ah, bah écoute... Oh, c'est merde. C'est pas mal aussi. Ouais, enfin, ça te va vachement bien, Rosita. Hein. Mais c'est qui, elle, là? Elle, c'est un garçon, hein. Ouais, c'est sans nom. Non, j'ai entendu, c'est pas mal aussi, par une fille. Ah oui, c'est une fille, ouais. Bon, enfin, c'est une fille, vite fait, quoi. C'est une blague, c'est Florence, quoi, voilà, t'as tout compris. Oui. Florence, explique-lui le pauvre. Vous êtes trop con, hein, mais sérieux. Non, mais c'est bon, c'est quoi? Demain quand tu rentres, tu dormiras sur le palier. Ah merde, qu'est-ce que putain demain. Où est-ce qu'elle va mettre l'écran 32 pouces qu'elle a gagné? Ah non, il est parti, hein. Ah merde, il est raccroché. Ah, il est vraiment vénère, hein. Oh, Florence. Oui. Bon, allez. Tu verras, c'est vachement bien le palier. Ouais, le palier, c'est bien. On le rappelle pour toi, mais tu te démerdes, hein. On le rappelle, ouais. On t'envoie des couvertures. C'est sympa, merci. Oh, attends, on n'y peut rien. Oh non. Quoi? Oui, mon cœur, c'était une blague. C'est pas drôle du tout, tu vas voir, moi je vais t'en foutre une de blague demain. Tu vas voir, quand je vais te raconter le jour que je me suis barré avec une grosse pétasse qui a tourné du cul au coin d'une rue, ça va te faire vachement plaisir. Non, mais c'était parce que j'ai pas beaucoup d'argent, moi, je peux pas t'offrir des cadeaux. Mais m'explique, parce que là, il comprend pas. Oh là là, comment elle retourne le truc. C'est une blague, on est sur énergie, et en fait, je devais te faire croire que je t'avais trompé, voilà. J'en étais sûr que ça ressemblait à une connerie comme ça. N'importe quoi, mais l'autre, mon capitaine. N'importe quoi. Oui, mais c'est pas de sa faute, Michael est très taquin. Ouais. Je suis taquin. Par contre, moi, on part plus 6 mois. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit par contre, on part pas 6 mois. Oui, je sais, mais enfin, je suis britannique vraiment, donc je sais pas trop. J'ai inventé un peu comme je pouvais. C'est ça qui est ouf, il est tombé dans le panneau de toi qui était derrière et tout. Ça le dérangeait pas. Par contre, 6 mois, non, il est pointilleux. Ouais, ça c'était pas possible. Sur les 6 mois, il a chipoté, effectivement. Ouais. Mais par contre, ce qu'il est bon de savoir, c'est que tu peux le tromper, mais il faut pas lui dire. Non, déjà, je le tromperai pas, parce que voilà, déjà, rien que pour ça, déjà, je sais qu'il va m'en reparler jusqu'à la fin de nos jours. Ouais, bon, enfin, ça va, il a gagné. Alors, tu préfères quoi? Bon, tu sais quoi, on va lui demander son avis. Julien. Une PS3, il veut. Tu veux une PS3 ou un écran LCD 32 pouces? Les deux, si jamais possible, c'est les deux, sinon la PS3. Bah, tu sais, si j'avais possibilité, je serais là, à Hawaï, si tu veux, en train d'habiter là-bas, j'aurais acheté une maison et... Déjà, ce qui serait bien, c'est que quand vous descendez dans le sud, vous venez nous voir, on va parler un petit peu. Et après on verra de ce que j'ai gagné. Oh l'autre il menace alors je lui file une PS3. Ouais il me semble qu'il te menace. Non il menace pas, il t'invite à boire un coup. Ouais bah ouais bah t'as raison ouais. Bah tu sais quoi je vais envoyer Toff. Ouais on t'envoie un bout de pain mon pote. Je vais t'envoyer Toff, tu vas voir. Mais lui tu peux lui puncher la gueule hein. Pour toutes les conneries qu'il a faites avec toutes les meufs qui, qu'il a pris pour des connes. Tu pourras te venger pour elle. T'inquiète pas pour ça va. Bon. C'était vraiment con comme truc franchement. Oh bah oh, ça va, il y a des beaux cadeaux à la clé quand c'est même. Toujours le piégé ouais, qui trouve ça con. De mauvais souvenirs pendant au moins une heure. Ouais mais bon ah ouais. Heure, ouais. Tu sais quoi, dès que ça va pas trop bien bah tu mets ta PS3. Voilà. Et en plus tu regardes, tu joues un tu verras tout de suite ça ira mieux. Julien. Julien, ce qu'elle a promis aussi, si t'étais vraiment vénère et t'as l'air de l'être, c'est que sexuellement elle était ouverte à tout pendant un week-end complet. Bon bah ça c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Voilà. Oh, open bar. Alors par contre, évidemment, nous pour qu'on envoie le cadeau et pour qu'on valide, il faut qu'on ait les photos pour voir si tout voilà. S'est bien passé. Hein. Oh ça va, de toute façon, je crois qu'elle a on déjà les prendra dans le noir. Qu'elle a gagné, non? Alors bah non, faut mettre. Puis évidemment, je rappelle que la manette de PlayStation 3 c'est une DualShock donc elle vibre. On voit les photos des deux. C'est ça. Oui, je vais faire plein de conneries. Bon, gros bisous tous les deux et puis vous restez merci. Au standard, vous gérez bah la PS3 ou l'écran mais a priori c'est la PS3 okay. Avec Micha, ah, d'accord? Salut merci. À vous. Ciao. À bientôt. Et on dit au revoir mon capitaine. Au revoir mon capitaine. Ah, tu vois qui arrive dans la marine. Ah, tiens, ça y est, il l'a dit. Ouais, c'est vrai, ouais. Allez, salut Jus. Ciao. Ciao, bye bye. Mickaël, le podcast. Bon, on va faire le mag là. Non, t'as rien compris. T'as rien oui, suivi mon capitaine, Roux. Oh là, non. Oui, ah, capitaine. On dit pas mon capitaine. Bon, oui, capitaine. Suivi. On va faire le mag. Ouais, capitaine, ouais. Ah, ça fait plaisir. T'irais plus chez les pommes de terre pour avoir dit ouais. Au front, ouais. Allez, c'est on parti, on y va. Ouais, mais merde, Roux. Oh là. Allez, bienvenue dans ce mag du jour. Un tour de l'actu condensé et revue à notre sauce. Ouais, pommes de terre, ouais. Allez, on attaque tout de suite avec le premier titre dans l'actu de ce 15 octobre 2009. Terrible affaire à l'Elysée, deux gardes républicains seraient atteints par la gale, une maladie apparemment due à l'état des bâtiments qui laisserait fortement à désirer. C'est du mytho. Là ils nous font croire qu'ils ont chopé la gale. Il y a deux semaines Giscard nous faisait croire qu'il avait chopé la princesse de Galles, faut arrêter. Allez, vie lycéenne, quatre internes d'un lycée de Poitiers âgés de 16 à 17 ans ont été mis en examen mardi. Ils sont poursuivis pour agression sexuelle sur quatre de leurs camarades lors d'un bizutage. Ah, j'ai vu ça, c'est chaud quoi. Les bizutés devaient siffloter la Marseille pendant qu'il y en avait un qui leur serrait les couilles et l'autre qui leur mettait un doigt dans le fion. Ah. Bah voilà, enfin trouver un moyen de faire chanter la Marseillaise aux joueurs des Bleus, l'équipe de France. Et donc selon une étude américaine parue dans le dernier numéro du journal The American Medical Association. Yeah, ça a l'air very serious. Oui, ça a l'air sérieux. Donc d'après cette étude, les chirurgiens qui opèrent le lendemain d'une garde de nuit ont un risque plus élevé de complications opératoires s'ils ont dormi moins de 6 heures pour récupérer, voire si leur durée de garde était supérieure à 12 heures. Et ça veut dire quoi? Bah que si le chirurgien qui t'opère a pas beaucoup dormi, bah il risque de faire de la merde en fait tout simplement. Donc pour réagir à cette info, on a le docteur Villa qui travaille au Jamaican Hospital of New York qui voulait témoigner. Bonsoir docteur Villa. Bonsoir Mickaël. Ah, vous vouliez réagir à cette étude? Rappelons juste que vous étiez chirurgien en France hein. Ouais, j'ai eu quelques problèmes, alors je me suis exilé, comme on dit, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mmh. Bref, oui, effectivement, on fait beaucoup d'heures. Moi, par exemple, un jour où j'étais complètement bourré, j'ai greffé un troisième bras à un patient. Ah. Je peux vous dire que sa femme est très heureuse aujourd'hui, hein, m'envoie un cadeau à chaque Noël. Oui, mais monsieur Villa, vous pouvez pas nier que ça cause des problèmes. Déjà, c'est docteur Villa. Certes, docteur. Et vous voyez le mauvais côté des choses, Mickaël. Et puis nous, les médecins, on a des journées bien chargées quand même. Oui, oui, c'est vrai. Consultation, opération, bon, c'est dur, mais c'est pas une raison, hein. Qui a parlé de consultation? Ouais. Moi, je pensais plutôt golf, déjeuner avec les collègues, coucher avec ma secrétaire. Ça prend du temps, hein. Oui, j'imagine, oui. Pour terminer, Mickaël, prenez Monsieur Debouze. Je l'ai opéré après avoir passé la nuit dans une partouze. Regardez le résultat. C'est une star aujourd'hui. Oh, oui, enfin, je suis pas persuadé que c'est grâce à vous, mais bon, merci, oui, vous docteur mettez ma Villa. Parole en doute. Oui, non, je pas vous du remercie. Tout. Au revoir, docteur monsieur. Villa. Merci de m'avoir donné la parole. Mais je vous en prie. Allez, on passe au con du jour maintenant. Il est allemand et il est vraiment con car il a mis sa vie en danger pour rien. C'est bien ça, Roux? Ah ouais, mais c'est con, c'est vraiment un euphémisme. Ah bon? En fait, il est allemand. Ouais, oui, enfin, pas ça facile rien. Dans la vie. Oui, enfin, j'ai pas dit qu'il était con, je dis que c'est pas facile. Donc je replante le décor. L'histoire se passe à Berlin dans un train dans lequel cet étudiant en journalisme est monté sans ticket. Oh, déjà il est con d'être monté dans un train sans ticket, hein, parce ouais. que tu risques de te faire gauler par les contrôleurs. Bah, sûr, justement ouais. mon con s'est fait contrôler et là les contrôleurs lui demandent de descendre du train, ouais. mais ils sont obligés d'utiliser la force parce qu'ils refusent de descendre. Ouais, enfin jusque là il y a un extraordinaire ou. Oui mais c'est un vrai con. Ah. Donc ça le fait chier de descendre du train. Il râle, il insulte les contrôleurs et pour finir. Il baisse son pantalon pour montrer son cul au contrôleur. Ah, sympa. Et quoi, il s'est fait arrêter par les flics? Non, mais ce con, et en fait, il va pour leur montrer son cul. Et à ce moment-là, les portes se referment sur le pantalon. Il reste dans le train à poil. Ben non, c'est pire. En fait, il se fait traîner par le train sur 200 mètres. Oh, quel con, il se passe quoi après? En fait, il y a un passager qui a appuyé sur l'arrêt d'urgence, mais pour notre... Il fait, non, bah attends, on va attendre 2 secondes, là. Attends. Allez, j'y vais. En fait, il a rien à part de légères blessures, mais il risque d'être condamné pour avoir insulté les contrôleurs et pour avoir causé de dangereuses interférences sur la voie ferrée. Voilà. Il va peut-être être obligé de dommager aussi les retards occasionnés par sa connerie. Oh, genre, il y a... Oui, il faut payer pour le retard, ils sont en retard tout le temps. Ouais, c'est vrai. Et là, il faut payer. Eh ben, c'est un bon con, merci Roux. De rien. Mais oui, pas mal. Bon, une petite page de sport maintenant. Football. Hier, les Bleus se sont imposés face à l'Autriche 3-1. Mais la rencontre fut gênée par des Strikers, donc à 3 minutes de la fin. En fait, les Strikers sont des supporters qui rentrent sur le terrain. Quoi. Ouais. Ouais, enfin, c'est encore une fois la preuve que le football français n'est pas au niveau. Pourquoi? Bah, dans les autres pays européens, les Strikers, ils sont à poil, ils montent leurs couilles. Là, en France, ils sont en doudoune. Ah oui, mais bon, écoute. Bon, aux États-Unis, Jennifer Goebel a remporté le marathon de Lakerfront avant d'être destituée de son titre. Est-ce que vous savez pourquoi? Ouais, elle a utilisé son iPod pendant la course. Son iPod. Ah oui, son iPod. En fait, la direction de la course a estimé que c'était équivalent à du dopage. Et oui, que la musique l'avait stimulé pour gagner. Non mais c'est n'importe quoi, elle écoutait Magic System. Je vois pas en quoi c'est un avantage. Hein. Non mais c'est vrai. Non mais parce qu'en fait, ils ont considéré ça comme du dopage parce qu'elle écoutait l'album d'Amy Winehouse. C'était un peu chargé quoi. Oui. Bon, et puis le petit truc du jour qui est un petit truc emploi. Si vous êtes étudiant et que vous avez du mal à joindre les deux bouts, si vous... Quoi? Faites un nœud. Oui, c'est vrai. Donc de manger des pâtes 365 jours par semaine, de ne jamais aller en vacances et que vous en avez marre de la galère, rassurez-vous, je ne vais pas vous proposer un job à mi-temps. Je ne vais pas non plus vous proposer de vendre un organe. Non, pas du tout. La solution, c'est 4 jeunes étudiants qui l'ont trouvé et donc elle est simple et peut rapporter un emploi bien rémunéré. Alors vous voulez savoir comment, bien évidemment? Ouais. Oui. Ouais. Vous voulez savoir comment? Par contre, oui. Bon, ouais. Bon, eh bien en fait, c'est 4 jeunes donc militants socialistes qui ont envoyé des demandes d'adoption à l'attention de Nicolas Sarkozy. Et d'après eux, s'appeler Sarkozy est le meilleur moyen de trouver un job à plein temps et bien rémunéré surtout. Donc si vous n'avez pas les compétences requises, c'est encore mieux. Changez vous dites que vous vous appelez Sarkozy, ça vaut mieux qu'un bon CV et que de longues années d'études. C'était donc le petit truc du jour. Ah, c'est vrai que c'est pas bête ça. Hein. Ouais, le roux va s'appeler roux Sarkozy maintenant. Ah, c'est doit être dur à porter quand même. Ouais, bah enfin, si t'as un bon emploi et un bon salaire surtout. C'est vrai. Ouais. Si on dit voilà, tu dois t'appeler Roux Sarkozy maintenant et tu gagnes le double. Le double de ce que t'as aujourd'hui. Alors, le double de ce que j'ai aujourd'hui, ça fait quoi, un SMIC? Oh, c'est ça, plains-toi. Ouais. Non, je le fais pas. Je suis fier de mon nom de famille. Ah oui, bah oui. Son nom de chevalier. Exactement, oui, chevalier roux. Bon allez, pour terminer cet avant-dernier Mac de la semaine, finissons en beauté avec les phrases à la con que les stars n'auraient jamais dû sortir, mais qu'elles ont quand même sorti. Attention, qui a dit « Si c'était arrivé à ma fille, Roman Polanski serait porté disparu. Point final, il n'y aurait même pas de procès. » Moundir. Non. Tu peux répéter s'il te plaît? Non. Samir Nasseri. Si c'était arrivé à ma fille, Roman Polanski serait porté disparu, il n'y aurait même pas de procès. Samir Nasseri. Non. Samir Nasri. Non. Un politique. Non. Petit indice, ça faisait longtemps qu'il n'était pas sorti de son terrier. Son terrier. Ça va, ça c'est une vanne de merde. Donc Milou. Milou, Tintin, Hergé, Taupe. Non. Jack Russell. Non. Ah là là, ça va être énervant parce que ça doit être un vieux jeu de mots qui Exactement. Là, là. Alors attends, un terrier, lapin, lièvre. C'est le lièvre. Philippe le lièvre. C'est un nom anglais. Pas mal. Philippe Bugs the Rabbit. Bugs Bunny. Non, non. C'est un nom anglais, alors attends. Tony Blair. Non. Attends, donc c'est son prénom commence par un J. J. J. Bunny. John McEnroe. Non. J. Rabbit. C'est John? Non. John c'est, Rabbit. C'est Jonathan? Non. C'est Jack? Non. Je sais pas. Jennifer Rabbit? Vous voyez pas, tant pis. C'était Jimmy Fox. Ouais, ouais, d'accord, Fox Terrier, ouais, ouais, d'accord. Okay. Et donc il a quand même nuancé, mais c'est mon opinion personnelle et cela ne doit pas être compris comme un appel, parce que je pense que la justice doit faire son travail. Non mais ça, bon. Il a raison, moi il le dit, il donne son avis, il le dit. Deuxième, qui a dit, quand j'étais jeune, je me suis prostitué en Sicile, j'ai vendu mon corps à une femme mûre en échange de nourriture et d'un toit. Frédéric Mitterrand. Non. Non, lui il allait à Pak Pong en Thaïlande. Ah oui, pardon. Qui c'est qui a pu se prostituer? Une meuf? Un mec? Alors vas-y, aide-nous. Silvio Berlusconi. Non, un mec. Polanski. Non. Un mec, donc c'est un mec. Putain, c'est pas facile aujourd'hui. Hein. Petit indice, il vient vraiment du village de Corleone. Don. Vito. Ah, mais je connais pas. Al Pacino. Al Pacino, bonne réponse. Ouais, oui, c'est ça. Eh ouais, qui se souvient de ses 20 ans, il a rajouté, quand je me réveillais le matin, je n'étais pas fier de moi. Voilà. Et le petit dernier pour terminer, qui a dit, nous sommes ensemble depuis 6 ans et demi, nous sommes amis depuis nos 17 ans, nous avons commencé à nous fréquenter quand j'en avais 19 et nous nous sommes mariés quand j'en avais 21. Vincent Lindon. Non. Ah merde, j'ai trop sûr de moi. Trop motivé mec. Ah, il était tapé ce matin, mais genre, Sorti Berlin. Non. Merde. Tu peux répéter, c'est 6 ans. Oui, on t'emmerde pas. Oui, on s'en fout, c'est des gens qui sont ensemble. Evelyne Delia. Non. Et d'ailleurs, elle passe à la télé, c'est la sexagénaire la préférée des Français. Des moins de 25 ans. Elle a 60 ans. Elle le fait pas. Au moins. Bon bref, on revient à mon truc. Son tailleur, il est fait. Hein. Elle a un prénom. Elle a un prénom. C'est quoi l'indice? Ah donc c'est une. Ah oui, pardon. Les vendanges c'est en septembre. Jean-Louis Borloo. Ah c'est... non, c'est l'autre. Ah bah non, non, non. Les vendanges c'est en septembre. Amy Winehouse. Non. Allez, vas-y, Sandro. Mais non, j'allais dire Sheila. Ah non, voilà. Les vendanges c'est en septembre. Pourquoi je suis là? Elle a fait une chanson. Avril Lavigne. Avril Lavigne, bonne réponse. Ah oui, bah on est cool. En parlant de vrai, Derek Whiteblade, donc le chanteur des Sum 41 avec qui elle va divorcer. Voilà. Bon, et ben ça va être terminé de ce Mac du jour. Je veux comprendre pourquoi les vendanges avec Sheila. Oui, c'est vrai. Enfin bon, ça en est quand même terminé, un autre Mac du jour, un autre jour. Hein. Alors Sandro, why? Mais des fois il se passe des choses dans ma tête, faut pas forcément chercher à comprendre. Ouais, non, quand t'as dit les vendanges, je sais pas pourquoi j'ai pensé à la chanson Les Rois Mages qui n'a rien à voir. Mais si, Sheila, Montmartre, Montmartre, les vignes de Montmartre. Dans les vendanges. Non, ouais, comme les vendanges en Galilée, moi j'étais comme ça. Ah, ouais, la les vendanges en Galilée. Voilà, en Galilée, oh là là, quelle horreur. Pourquoi? Je t'ai dit, des fois mon cerveau me fait des bons. Les romages se bourrent la gueule. Fait des bons. Fait des faux. Enfin qu'il a de, il a de l'espace pour faire des bons. Je te confirme. Hey, il s'éclate hein. Ah, grave. Mec, il s'éclate. C'est le grand mythe hein, dans son crâne. Ah, je te confirme. Il est très content de m'appartenir. C'est ça. Ouais, moi, il a de l'espace dans sa chambre. Et il doit pas ranger. Non. Ah, il y a de la place. Michael, le podcast. Et ce soir, on reçoit Archive, donc pour leur nouvel album, c'est Controlling Crowds Parts 4 qui sortira le 19 octobre. Comment ça va? How are you guys doing? Hey, very good, thanks. Great, thank you. Hey, bien. It's a pleasure to have you tonight with us. Bon, pleasure to be here. Alors, déjà j'en ai grillé un qui parle français. Oh, does one of you speak in French? J'apprends français. Ah, bah, c'est bien. Très he's the one. Ah bah c'est déjà pas mal. It's already a good start. Bon commencement. Ouais. Alors, est-ce que les autres du groupe parlent français aussi ou pas? You're the only one who's trying to speak French. Or he can speak German. Deutsch. Ah, ah non, Dutch non. And he can speak Welsh. Poquito espagnol. Welsh. Welsh, he can. Le gallois. You're laughing. Et l'autre est muet. Bon, bon, bah, il parle. Bon, ça va encore. Hein. Franchement, ça a dit, c'est pas mal. Bon, vous êtes des voisins puisque bah, vous êtes anglais. Vous venez souvent en France ou pas? You guys come really often in France. You come a lot. I live in France. Ah, voilà. D'accord. Ok. Très bien. Bah, alors, vu comme ça, effectivement, ça, c'est beaucoup plus facile. J'habite à Montmartre. À Montmartre. Ah, d'accord. Ok. Endroit préféré du Roux. Oui, c'est pas mal. C'est un beau quartier. Ouais. C'est pas mal, effectivement. Enfin, ça dépend. On est vite dans le quartier pourri, hein. Oui. Ça dépend. En bas de la colline, c'est ça. On est vite dans la merde. Do the other member of the band visit you a lot? No. Non, ils viennent pas souvent. Ils hide me. Non, ils se cachent. D'accord. Ils ont les bonnes. Ils détestent. Ils aiment pas? Moi. Ah, ils te détestent. Bon, en regardant sur internet, j'ai vu que vous faisiez du rock. Enfin, je le savais déjà puisque je vous avais découvert il y a c'est vieux, hein. 10 ans, je crois, un truc comme ça. Le groupe, j'avais découvert ça il y a 10 ans. Et donc, ça faisait, c'est trip-hop et de l'électro également. Alors, c'est quoi le style du groupe? Est-ce que c'est un mélange de tout ou c'est plutôt rock, plutôt trip-hop, plutôt électro, plutôt quoi? We can't really define your musical style. It's like rock, trip-hop and electro. So how would you describe your style? I mean, that's it. We don't usually put a label on it, you know, and we leave it up to the listeners and the people who market it to sort of give it a name. But I think it's exactly like you said, you know, you can't really put it in a box. And then we really try to experiment with a number of different sounds and textures and moods and feelings and see what comes out of that with the music. En fait, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument pas moyen de mettre une étiquette sur le style musical. Ils laissent les gens qui écoutent le groupe décider de quel est le genre, mais voilà, ils essayent de mélanger tellement de sentiments, d'humeurs, de styles musicaux que voilà, c'est impossible de définir effectivement. And we all have different backgrounds in music, we all listen to different things all the time, so we just sort of use that as... Et en plus, tous les membres du groupe ont un passé musical complètement différent, des influences complètement différentes, du coup. D'accord. C'est vrai que ça se retrouve dans le groupe. Bon, alors est-ce qu'il y en a un, deux, ou même tout le monde, si chacun a son petit mot à dire, qui peut nous raconter un peu l'histoire du groupe? Can you guys tell us the story of this band? The history of this band? It's been a while. Long time. Ça fait très longtemps. Once upon a time. En gros, hein. Once upon a time. 12 years ago, you know. Me and Danny have been working together for... Since 1990. Since 19 years, I think. Isn't it? Yeah, 19 years. Since 19 years. And then me and Roscoe met and started our club because Dan was having a holiday for a year. And then he came back and then we kind of developed because me and Roscoe sort of had the sound was a bit more... So how would you say... But more pop, I suppose. And then when Danny came back, we kind of made it a bit darker, and then it got even darker, I think. And Dave joined, it got even darker, and Pollard joined, and it's fucking dark now. So yeah, just that's what happened, really. En fait, ce qui s'est passé, bon, le groupe commence il y a 19 ans environ, et puis quand Danny est arrivé, ça c'était il y a 12 ans, le groupe est devenu beaucoup, enfin. Plus sombre. Mmh. Ensuite, les autres membres du groupe sont arrivés pour que ça devienne encore plus sombre. Et puis maintenant, ils sont arrivés au stade où c'est vraiment putain de sombre. Quoi. D'accord. That's a swear word. I know that one. Putain. Putain, oui. Bon, alors qui c'est qui bosse dans le groupe, c'est-à-dire qui compose, qui écrit, qui ne fait rien. So actually, who's working in the band? Who writes the song, the lyrics? Who composes and who does nothing? We all do. Ils font tous. Ah, ils font tous. We all write together. Yeah. That's the great thing. C'est justement le truc super, c'est qu'ils font tous la même chose en même temps, en fait. D'accord. Ils écrivent tous et ils composent tous. Which is why you can't put a label on it. Mm. C'est probablement la raison pour laquelle tu peux pas mettre d'étiquette sur le groupe, finalement. Et alors, est-ce que, comme lui, il parle mieux français par rapport aux autres, controlling crowds, tu sais ce que ça veut dire ou pas en français? Do you know what controlling crowds means in French? Ooh. I think Can you translate? No, I don't know. I couldn't tell you that. I'm not that advanced in French. Non, il est pas à ce point-là expert en français. Je sais pas, donc ça veut dire contrôler des foules. Contrôler les foules. Ah, voilà. Okay. Contrôler des foules. Il y a un message derrière ça ou pas? That's quite a cool, les foules. Les foules, crowds, it's la foule. Yeah. You're even more pessimistic than English. C'est encore plus pessimiste qu'en anglais. Yeah. C'est vrai. Is there a message behind this title? I mean, I don't think we're not a band that tries to give out messages, you know. We just sort of observe things and feel a certain way about things and then we write about it. It's not like, you know, we try and sort of, oh, this is a message that everyone should listen to. You know, it's our world and how we feel kind of the last few years when we're writing the album affected us. And that's what it is. There's no message. It's a world, our world, you know, and then it's for other people to translate it and interpret it in their own way, you know. Exactly. En fait, ils sont pas vraiment un groupe à message proprement dit. En fait, c'est juste que voilà, ils observent les choses, ils observent le monde qui les a entourés ces dernières années et comment ce qu'ils ont vécu les a affectés, en fait, si tu veux. Et du coup, ce qui en ressort, c'est une vision de leur monde, en fait. Donc il y a pas vraiment de message derrière ça, en fait. C'est plus aux gens de se faire leur propre message dans à travers ce que eux ont vécu, quoi. D'accord. Et s'ils doivent dire, voilà, on ressemble à un groupe, c'est lequel? So if you guys should compare your band to another one, which one would it be? I can't think of any. Ils ont rien en tête. Bon, je sais que c'est compliqué, mais enfin, c'était pour. That's an odd question. It's a tricky one. Right. No, I mean, I don't agree with comparison. Yeah, comparison to bands, it's true. Really, you hear elements of so many other different bands and other bands, and if that band says you stole that from that band, or if that band sounds you sound like that band, it's like it's everybody just bouncing off of everybody. And you know, the best artists always steal the best things and make it their own. And, you know, it's always just a clash of, you know, personalities and inspiration and using some things and leaving some things. And I think it's really hard to put a label on, yeah, comparison. And I think we've worked on this band for so many years that we're actually so proud to be in this band. To be honest, I don't think if you asked anyone of the Groot and Archive, anyone in the collective, that would they want to be in another band, I don't think they'd want to be any. I think, you know, this is a massive achievement for us. I don't want to be in any other band. I think this is the best band in the world. En fait, so it's like, what are you going to compare us to? There's no other bands I want to be in, so. En fait, il croit pas du tout à la notion de comparaison en musique, parce que quoi qu'il arrive, chez n'importe quel artiste, tu as des éléments qui reviennent d'autres groupes ou d'autres artistes, et que chaque artiste après intègre et ressort de sa façon dans sa musique, et donc il prétend même que les meilleurs artistes ne sont jamais que des voleurs finalement qui ont réussi à prendre quelque chose d'un autre groupe et à le remettre à leur sauce, et voilà, donc il ne croit pas du tout à la comparaison, et puis il nous explique de toute façon que il considère qu'ils sont dans le meilleur groupe du monde, et que donc ils ont aucune envie d'aller dans un autre groupe, et du coup ils peuvent absolument pas comparer leur groupe avec un autre, quoi. C'est le meilleur pour eux, donc c'est tout ce qui compte. Et alors la question aussi, c'est la suite du dernier album, en fait, qui s'appelle aussi Controlling Crowds. Pourquoi l'avoir appelé Partie 4? Où sont les deux autres? why is this album called Part 4? Where are the two other parts? Est-ce qu'ils sont déjà sortis, ou alors est-ce qu'ils la jouent à la Star Wars? Are they gone? Yeah, no, it's just that on Controlling Crowds, there are three parts of the album. It was broken up. Okay. It was broken up into three parts. And the reason for that was just they all sort of felt like they fit together in that segment. And they're all very intense. And they're all really... they have their own kind of feelings. Yeah, they have their own feelings to it. So we just broke them up also just in a way to convey more of the feeling that we had with the album. Then. And part four kind of... sort of just had a few ideas left, didn't we, from the actual take, you know, from the first control from the sessions of parts one, two, and three, and then it was too good, the ideas were too good to just let be B-sides as well, so we thought, you know, we got the idea of another part, but which was a lot more, a little bit more sort of sensitive, a bit softer, and a little bit lighter, because parts one, two, and three are very heavy, you know, but... So yeah, it kind of was a very organic thing for part four, and it would have been a shame to have not added any of the ideas in, wasn't it? It's hard to try and explain stuff like this, because when you're creating, when you're working with so many people that are very creative, you kind of just carry on until it feels right to stop. And when we finished the first three parts, it didn't feel right that we'd stopped. It was like the project hadn't ended, you know, so that's why we carried on. There was still a lot of inspiration. Yeah, and a lot more to be said about Controlling Crowds, you know. En fait, les autres parties donc les parties 1, 2 et 3 de Controlling Crowds se trouvent dans le premier Controlling Crowds. En fait, ce sont ces trois parties qui sont dans ce premier album et qui se sont retrouvées ensemble parce que finalement elles allaient bien ensemble. Elles rentraient bien dans cet album. En fait, c'était des sensations plus intenses, en fait. Et donc la partie 4. Comme les fait, produits laitiers, quoi. La partie 4, en fait, ce sont toutes les idées qui ne rentraient pas avec ces trois autres parties, en fait, de l'album, mais qui n'étaient pas entre guillemets spécialement mauvaises, c'était pas des B-sides, quoi. Donc ils ont vraiment trouvé ça dommage de pas les mettre sur un vrai album. La seule différence, c'est que voilà, c'était vachement plus doux et vachement plus léger que les morceaux qui se trouvent dans la première partie, qui elle est beaucoup plus lourde. En fait, ce qu'ils expliquent, c'est que à la fin, quand ils sont arrivés à la fin de Controlling Crowd, ils avaient la sensation que c'était pas vraiment fini, quoi, qui manquait vraiment un bout et que voilà, c'était pas le bon moment pour l'arrêter. Et donc Controlling Crowds Part 4, c'est le bon moment pour l'arrêter. D'accord. Michael, le podcast. Et donc la suite de l'interview de Archive maintenant, comme je vous l'avais promis depuis tout à l'heure, il y aura le live dans quelques instants. Et alors justement et la musique justement de d'Archive, donc le groupe qui est souvent utilisé dans des films, c'est notamment dans Michel Vaillant, c'est vous qui avez fait la BO, le film produit par Luc Besson. C'est lui qui est venu vous chercher ou c'est vous qui êtes allé frapper la porte en disant bon, on aimerait bien faire la BO, on a une musique à proposer? Your music is used a lot in for original soundtrack of movies, especially in the Michel Vaillant movie, which is produced by Luc Besson. Is it Luc Besson that came to you and asked you for one of your songs? Yeah. How did it happen? They came to us. We were working in Paris at the time doing a gig. And they just got in contact with us from their office and asked if we would go in and why we were there and see what we thought. And they showed us the good bits of the film. And then we did it. We didn't see the film till the end of it. And then we realized, you know, it wasn't quite what we were expecting. Oh. But we were very happy about the soundtrack. It was a great experience. You know. We thought Robert De Niro is in it. En fait, ils étaient en concert à Paris. Et effectivement, l'équipe de Luc Besson est venue les trouver pour leur proposer de faire la bande originale de ce film-là et voir un petit peu ce qu'ils en pensaient. Et en fait, ils ont quelques regrets parce qu'ils n'avaient pas vu le film en entier. En fait, ils ont vu quelques scènes du film. Et bon, voilà. Mais cela dit, ils sont très contents de la bande originale qu'ils ont faite. Ils s'attendaient à quoi en faisant un Besson? You guys knew Luc Besson before? No. Well, no. Know of his work. Yeah, he's very big in the UK, but no, never met him before. Non, en fait, il le connaissait pas avant. C'est pour ça. You knew his movies, though. Yeah. I mean, he's very respected in the UK more than, I think, in France. And some of his films are massive there, you know, Fifth Element. Mm-hmm. Ouais, pourtant, il avait eu des gros succès en Angleterre, donc il connaissait effectivement ses films. Quand même. D'accord, bon, bah, très bien. Donc, l'album, lui, qui sort donc le 19 octobre, il y a une tournée qui est prévue en Europe et en France en particulier ou pas? Do you guys have a tour planned in Europe or in France, particularly? Yeah, indeed. We sort of started it. Just gone. We've been in Greece for the last sort of 3 or 4 days. We did 3 gigs there. We got back yesterday, and then we start on this weekend coming. Starting Belgium, and then we tour for about 6 weeks. So. En fait, ils sont en plein dedans. La tournée démarre là maintenant, en ce moment même, quoi. Mm-hmm. Notamment en Belgique et là en France. Hein. D'accord. Ok. Bon. Et les remercier aussi parce que souvent quand on a iTunes, c'est qu'on met des morceaux. Bon bah voilà, tu mets ton morceau au bout de 3 minutes, t'as plus le morceau que t'avais choisi, quoi. Et ça change, c'est un shuffle et des fois tu tombes avec des morceaux pourris. Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'avec eux, moi j'ai un seul morceau, mais c'est Again et il dure 16 minutes. Donc au moins tu mets le morceau et après t'es tranquille. He's really glad from this song Again, which is 16 minutes long, mm-hmm. because on his iTunes that's the only moment where he can have 15 minutes of good music in a row because of the shuffle stuff. You know? Yeah. Usually it skips songs. So he's mad, but this one is good. Et alors, hormis leur groupe, qu'est-ce qu'ils aiment comme musique, comme style de musique, ou comme groupe, ou comme chanteur? This is gonna be another tricky one because which music do you guys like? Which bands do you like? We like lots. Il y en a tellement. Listen to sort of everything, really. I mean, yeah. De tout, en fait. Not really into death metal, but most. Pas trop du death metal, mais. It's not really my cup of tea. Yeah, Rangers. It's like at the moment I'm really into Soulwax. Soulwax pour le moment. It's like you know, not that you'd compare that to Archive, but I'm listening to a lot of Soulwax and we love like Squarepusher and Aphex Twin and you know, you like ELO, Sly and the Family Stone, LCD, the Beatles. It just goes on. Run DMC. Kraftwerk, Run DMC, les Beatles, il y a vraiment de tout, quoi. Très bien. Bon, maintenant qu'on l'a un petit peu recherché dans la mémoire, s'ils peuvent choisir une chanson en particulier sauf Archive, qu'est-ce qu'ils choisissent? So if you guys could pick one song in the world that we will play later on, except that from Archive. From Archive. Which one would you pick? That's from Archive. No. Not from Archive. Not from Archive. Go on, Radioactivity. Kraftwerk Radioactivity. Okay, yeah, so it's the original Radioactivity, not the lighter not the mix. The dance remix, none of that shit. Pas le remix dance. No, mais qui compte sur moi? 1976, I think, 5. 76. Tu vas pleurer, hein. Celle de 1976. Oui, bah écoute, on verra bien. C'est, de la c'est le début de la musique électronique. Souviens-toi de Mustapha, je pense que ça va être pas mal. On verra en tout cas. Bon, ben bah, merci, merci à vous d'être venus. Donc je rappelle que l'album donc sortira le 19 octobre, qui s'appelle Controlling Crowds Part 4. Et puis, bah, je vous invite à aller l'acheter. Et c'est un exploit que Archive soit sur Énergie, hein. Oui, mais oui, mais c'est ça exactement. Écoute, on a reçu une invitation, on a reçu une proposition. Je dis, bah, avec plaisir. Avec plaisir si c'est possible. Qui c'est qui gère la maison de disques? C'est monsieur là-bas? Ah, combien d'albums on peut offrir quand il sera sorti? Une. We ain't got a copy yet. What's going on? Exactly. He's trying to have a copies of the album to give away to our listeners. Combien à peu près? Yeah, they should give you some. They should give us some as well. Yeah. En plus 20, allez. Allez, 30, on en parle plus. Allez hop, c'est parti, c'est vendu. Bon bah si vous voulez en choper 30 albums to give away. Si vous voulez en choper des nouveaux albums donc de Archive, n'hésitez pas. 612, débutez le message par vous mettez Archive, c'est écrit comme ça au fait à la base. Vous mettez Emickel, puis vous mettez Archive, et puis vous mettez vos coordonnées complètes. Voilà. Merci à vous d'être venus, bonne chance pour la suite, et puis bah, quand vous voulez. Being with us, it's been a pleasure to have you with us tonight. Thank you very much. You can come back anytime you want. Michael, le podcast. Nous allons maintenant jouer aux questions pour une réponse. Allô, qui est là? Bonsoir. Salut Mickaël. Salut. Ça va bien? C'est Florian d'à côté? Oui, c'est ça. Bon, très bien. Florian, 17 ans du 44, et Lauriane, 18 ans du 56, qui souffle dans son téléphone, Lauriane. Allô. Maintenant plus. Allô. Voilà. Oui, allô. C'est ça. Ça va bien, Lauriane? Oui. Oh. Non, arrête, je t'en supplie de jouer avec nos téléphones, ça fait tout le temps, c'est assez désagréable. Hein. Très énervant, hein. Bon, Lauriane. Oui. Parfait, là on t'entend, c'est nickel. Bon, nous allons donc maintenant jouer aux questions pour une réponse. Florian, tu veux jouer avec qui? Avec Toff. Avec Toff, très bon bien. Choix. Et Lauriane, tu veux jouer avec qui? Avec Roux. Avec Roux, sans vrai Roux. Mauvais plus choix. Personne ne veut jouer avec toi, c'est un drame. Je m'en fous. Non, mais y a pas de mal, hein. Ça l'arrange, ça l'évite d'être énervé. Je m'en fous, de toute façon, d'habitude je gagne. Oui, parce que je triche. Bon, c'est parti, on va jouer maintenant à question pour une réponse. Allez. Bonsoir à tous, installez-vous confortablement. Voici le rendez-vous incontournable des têtes bien faites et des cerveaux en folie. Question pour une réponse. Attention, ça va commencer. On monte le son. Allez. On va donc jouer maintenant question pour une réponse. Je rappelle que Florian a décidé de jouer avec Toff et que Lauriane a décidé de jouer avec Larousse. C'est bien ça? Oui. Très. Ouais, vous avez la patate, hein, Florian et Lauriane, hein? Hein? Hein? Non, ça va. Non, ça va. D'accord. Allez. On y va. C'est pas facile de redevenir sérieux. Ah non. Et même pas tous les jours d'ailleurs. Allez, on y va. Première question. Attention. Top, je suis de l'eau mais je ne viens ni du ciel ni des rochers, je peux aussi être de l'alcool, je coule sur Roux, tous Toff. Les... Oui. De l'eau de vie. Non. Non. Dire la même chose. Non. Sur tous les continents de la Terre, dans tous les pays, j'arrive Roux. À n'importe quel... De l'eau de mer? Non. J'arrive ça à n'importe... Pas ça. Non, bah non. J'arrive à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, mais le plus souvent dans la cour de récréation, je viens toujours de la même source. Toff. Je peux être... Oui. L'aube? Non. Je peux être de joie ou de tristesse, je suis... Roux. Roux. Ah. Ah mais j'ai dit roux. C'est vrai. Les larmes. Eh ouais. Bonne réponse. Florian, donne ton prénom. T'as failli mettre le point là. Ah oh là là, quel drame. Bon, c'est pas grave, il est temps de se refaire. Un point pour le roux. Point volé. Non, j'allais le dire, mais c'est vrai que c'est bien dommage pour toi. Ouais, un point volé. Crotte alors. Bon, oui, crotte alors. Et le roux qui est déjà parti. C'est ça va, il s'en va. Non, il fait froid. Non, c'est une veste pour le style, c'est pas une veste pour avoir chaud. Ah ouais, c'est vrai. Allez, c'est deuxième question. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt. 1-0 pour Lauriane et Roux. Et bonne chance, hein. Florian malgré tout qui avait trouvé la réponse, c'est dommage. Allez, bonne nuit Sandro. Bah oui. C'est tard, hein, je suis pas habitué de me coucher si tard moi. Bon alors. Moi je suis fatigué, hein. Allez, deuxième question, attention. Top, avant que j'arrive, personne ne me veut, mais une fois que je suis là, personne ne veut me perdre. Je rapporte beaucoup d'argent, surtout aux États-Unis. Certains me vouent d'ailleurs un culte ou font de moi leur métier. Je peux durer 100 ans, je peux être froide, je peux être des boutons, je suis... Déjà ? Ah ouais, là, il est fatigué. Mec, la dernière phrase, mec, elle est donnée. Vas-y. Je peux être froide, je peux être des boutons. Toff, de la monnaie ? Ah ouais, mais... Je peux durer 100 ans ? Je peux partir en Irak si je le décide. Je veux partir bientôt peut-être en Iran. Bon, enfin, vous êtes bête ou quoi? C'est plus facile quand on a la réponse. Non mais là quand même. Allez attends. Refais-le en entier. Non. Franchement là t'as 3 minutes hein, même. Avant que j'arrive, personne ne me veut. Mais une fois que je suis là, personne ne veut me perdre. La guerre. Ah bah quand même. La guerre de 100 ans. La guerre des boutons. La guerre froide. La guerre des boutons. Je pensais que vous avez, dès que j'allais dire là, ce peut durer 100 ans, boum. Ouais, bah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, mais franchement, vous êtes mauvais à soi. Non, parce qu'en plus, la guerre de 100 ans n'a pas duré 100 ans. En plus. Ouais, bon, ça voilà, c'est un mauvais indice. Elle a duré 116 ans, je crois. Bon, je sais pas, demande à Sandro. C'est juste que personne n'a triché sur cette question, c'est tout. Ouais, ouais. Allez, dernière question, vous êtes prêts? Prêt. Ouais. Attention. Prêt. Top, je ne respire jamais, mais j'ai énormément de souffle. On m'emploie partout, dans les restaurants, les maisons, les voitures. Les gens? Non. Mais certains ne m'emploient pas du tout, d'autres aiment serrer leur pénis en moi, mais c'est à leurs risques et périls. Peu de gens le savent, mais parfois il est bon de m'ouvrir pour me vider. Sinon j'étouffe, Sandro passe ses week-ends à m'utiliser, qui suis-je? Roux. Oui. L'aspirateur. Bonne réponse, il y a un 3-0. Pas mal, Roux, pas mal. Oh là là là là là là, cette victoire est... Écrasante. Pourtant c'est marrant, je pensais pas qu'il connaissait ce mot là, tu vois. C'est parce qu'il te voit l'utiliser. Et à chaque fois il se dit qu'est-ce que c'est. En fait c'est le roux, c'est comme un chat, quand tu passes l'aspirateur il s'en va, il a peur. Mon dieu, ça va m'avaler. Mon dieu. Il est avec son bête sourire là. Non mais c'est vrai, c'est bien un truc que je déteste, c'est faire le ménage. Par contre, foutre la merde, ça ouais. Bah, c'est plus facile. Ah, ça c'est vrai. Bon, Florian, malheureusement c'est perdu. On peut dire sur ce coup que tu as choisi le mauvais cheval. Hein. Ouais, je suis désolé, Florian. Vraiment, je m'excuse. Ouais. Je ferai mieux la prochaine fois. Bah, il faudra. Ouais, hein. Ouais, pardon. Parce que pire, c'est difficile. Hein. Bon, salut Florian. Salut. Ciao à toi, Flo. Oh, la vache. Et puis, bah oui. Et puis, Lauriane. Oui. Bon, c'est gagné. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas grâce à toi. N'est-ce pas? Merci à vous. Ouais, mais elle a soufflé dans le téléphone pour aider le roux et c'est pas mal. Elle m'a soufflé, ouais. C'est vrai, ouais. Bon, on va te filer les cadeaux, je te repasse chez Michel au standard, d'accord? Ok. Salut Lauriane. Salut. Ciao Lauriane. Bon, et si vous voulez jouer aux questions pour une réponse, n'hésitez pas, 612, débutez le message par Mickaël et puis vous mettez QPR avec prénom, âge et numéro de téléphone. Merci d'avoir joué avec nous et à bientôt pour une nouvelle partie de questions pour une réponse. Mickaël, le podcast. Bon, aujourd'hui dans Tournée Manège, trois femmes, Mireille, Catherine et Gabriella. Ah oui, des jeunes encore. Et ouais, et deux hommes, Pierre et Michel. Ah oui. Et donc Mireille demande à Pierre ce qu'il fait le matin quand il se lève. La réponse est nulle. Alors Pierre, continue la phrase. Tous les matins au réveil, je... Oui, non. Tous les matins au réveil, je déjeune. Oh ouais, ouais c'est, bah, il s'en est bien sorti, il allait pas dire je borne. Ouais, mais enfin voilà. Alors oui, moi j'aurais dit je me branle. Ouais. Alors, tu te branles le matin? Ouais, tous les matins. Ouais. Et toi, Roux, qu'est-ce que tu fais le matin quand tu te lèves? Le premier truc. Je salis quelque chose. Non, mais c'est pour tous les mecs pareil, toi, pisser. Ouais. Oui, ça, oui, bah oui, ça j'entends. Après, je me recouche. 15 fois, j'arrête pas de lui dire, mec, quand tu pisses, pisse pas dans l'eau. Mais ouais, mais attends, c'est marrant, faut bien jouer, tu vises. Mais putain, il fait des dessins. Attends, quand je me réveille par la pisse du roux, quoi. C'est d'un désagréable. Ah, c'est ça doit être hyper glamour. Oh putain, j'attends. Et tu sais, parfois il va un peu sur le côté, il revient hein, dedans. Oh là, oh là. Ouais, mais il a encore les yeux qui collent. Il fait des feintes, en fait. Parce que quand il est sur le côté, il est à côté. Hein. Bah, je préfère qu'il fasse à côté encore, hein. Ça fait moins de bruit. Bah, bravo. C'est pas grave. Hein. Ouais. On aura un syndrome de passer. Encore, il y avait les chats avant, ils pouvaient lécher, mais là. Oh. Bon, et donc Gabriella qui est américaine, et donc elle pose une question à Michel, mais on comprend pas sa question. Michel, tu t'es fait draguer par une super nana au supermarché, qu'est-ce que tu fais? Tu fonces à la... Tu fais le semblant d'être sourd-muet, muet, et tu fonces à la caisse pour pouvoir partir. Tu donnes ton avis sur toutes les différentes sortes de pâtes et leur usage, ou tu proposes de porter ses courses jusqu'à chez elle. Enfin, qu'elle a galéré avec le français. Ouais. Mais enfin, j'aimerais bien parler anglais comme elle parle français. Hein. C'est vrai. Cela dit en passant. Allez, on va passer directement à la question qui... Balance. Effectivement. Messieurs, regardez-vous, mais c'est une... Alors, qui dit balance dit faut y aller. Hein. Quand vous regardez votre voisin, regardez-le bien. Regardez-le vraiment. Quand vous regardez votre voisin, vous vous dites qu'il a bien besoin d'un rendez-vous chez qui? Alors, et donc Pierre et Michel donnent leur réponse qui n'est, bon, pas très méchante, malgré le fait que Koé insiste vraiment pour que ça balance. Hein. Pierre. Au club de gym. Michel, quand vous regardez Pierre, Vous dites qu'il a besoin d'un bon rendez-vous chez... Oh, mais je pense que sérieusement, il a besoin d'un bon rendez-vous chez un chirurgien esthétique. Oh, le bâtard. C'est violent, hein. Quand tu regardes ton voisin de droite, il aurait besoin de, il aurait bien besoin d'un rendez-vous chez quoi? Chez qui? Bah, je vais être global à l'hôpital. Ils sont tous là, il y a les gynécos, il y a les chirurgiens. Gynéco, ouais. Tout, ah, tout. Non, mais si, pour tes femmes. Ouais, mais tout. Franchement, dans un premier temps, le coiffeur a pas mal. Non, c'est un corps, c'est physique. Un psychologue. Bon, allez, psychologue. Très bien. Tof, pour Sandro. Il aura bien besoin d'un rendez-vous chez... Chez le nutritionniste. Ouais, c'est facile. Sandro pour Jack. Bah, chez le dentiste. Hein. J'irai avec Micha. C'est vrai qu'on fait tout le temps. Donc, Jack pour Micha. Ça existe un négrologue. Un quoi? Un négrologue pour l'aigreur. J'ai eu très peur, Michel. Moi aussi, putain. Je me suis dit, l'autre, ça y est, il a trouvé son médecin. Ah, j'ai eu peur. Je rappelle que Micha lui-même est noir, hein, donc ce n'est pas une vanne raciste. Non, il est café quoi. Au lait. Oui, il est café au lait, oui, peu importe. Il est un café au lait, ouais. Donc moi, c'est chez le négrologue. L'aigrologue. Oui, l'aigrologue, très bien. Et alors, pour le rouge, je dirais chez le banquier. Un rendez-vous chez le banquier. Non, rendez-vous dans un point soleil, moi, je dirais. Ça sert à rien. Ça passera rien. Non, ça va me blesser. Oui, c'est ça, il va être blessé. Je vais avoir mal partout. Oh, pauvre petit. Bon, qu'est-ce que je disais? Oui, donc Pierre est éliminé, donc Michel essaye de faire de l'humour, mais bon, bah, c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est le moment de dire au revoir à votre camarade qui doit aller faire de la gym. Au revoir. On peut dire qu'il n'a pas de peau, Pierre. Oh là là. Je pense que même le roux n'aurait pas osé celle-là. Franchement, tu sais, c'est ok. C'est vrai que bon, en faisant de la télé, notamment sur TF1, en règle générale, tu gagnes bien ta vie, mais ça me fait de la peine pour Koué. Il a beaucoup de chance. Pas moi. Non, mais là, franchement, c'est dur. C'est pas lui qui l'a sorti la vanne, hein, quand même. Je sais, mais ça me fait de la peine pour lui. Oui, d'accord. Ça me fait de la peine, quoi. Et non, il a bien raison. Plus il y en a, plus il faut qu'il en prenne. On te proposait 10 000 euros par mois pour aller faire chasse et pêche. Direct, j'y vais. Mais oui, je sais. Même pour 5, il y va. Ouais, même pour 1000, hein, tu m'en fais. Ah, d'accord, mais très bien. Je prends note. Non, Koué essaye d'en savoir plus sur Michel. Et donc, il lui demande quel est son métier. Écoutez la réponse. Donc, je ne connaissais pas cette profession. Michel, quel métier? Je suis grand aboyeur royal. Alors évidemment, donc tout le monde se demande mais qu'est-ce qu'un grand aboyeur royal? Vous ne savez pas? Heureusement, Michel nous explique sa profession. Je suis grand aboyeur royal, 8e génération de père en fils depuis 1780, qui est une prestation unique en Europe. C'est moi qui fais les annonces dans les châteaux, dans les réceptions mondaines. La comtesse du Barry Machin reçoit le... Ah oui. Mais ça veut dire, je comprends, vous, il n'y en a plus beaucoup, puisqu'il y a de moins en moins de réceptions dans les châteaux. Non mais putain, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Mais ça s'appelle un aboyeur. Bah, tu devrais savoir en tant que... En tant que noble. Oui, voilà. Oui, bah on m'annonce pas souvent quand je rentre dans mon appart. Hein. Mesdames et messieurs, le roi roux. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Le roi roux et son festin. C'est dommage, ça s'appelle aboyeur, ça doit être un beau métier, ça. Ouais. Ah, le roux, il serait content de faire ça. Hein. C'est marrant. Beau métier de planquer. Ouais, enfin 5 minutes, quoi. Laissez entrer l'enculé de ce soir. Comment t'annonces, Ratoff? Bah, c'est ce que je viens de faire. Ah, pardon. Bon, et donc Michel pose une question santé à Gabriella. Alors, Gabriella. Oui. Les hommes qui ont l'impression de mourir dès qu'ils attrapent le moindre rhume, tu en penses quoi? Voilà, et donc la réponse de Gabriella est relativement surprenante. En ce moment, avec tout c'est des tapettes. Allez, voilà, ça c'est fait. Voilà. Et donc, Michel a tout essayé hein, pour repartir avec Mireille. Il l'a même embrassé sur la bouche, mais il repartira seul, très seul. Avec trop seul. Eh oui, c'est ça, tour du manège, ça ne marche pas à tous les coups. Ça a pas beaucoup marché depuis le début de l'année. Non, c'est vrai, là, pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui part avec quelqu'un. 3-4 fois. C'est assez... décevant, c'est pas triste. Les audiences marchent. Ouais. Ah, je sais pas, ça marche en fait. Ouais, ça marche super bien, ouais. C'est les meilleures audiences depuis, je crois, 5 ans à cette heure-là. Mais on se moque un peu, mais ça a l'air d'être marrant au final. Tu peux squatter devant ta télé, regarder ça pendant une heure, ça va. Ah bah attends, mais... Cash pendant son émission, regarde Tour des Manèges. Je balance, mais Cash et son réa Seb, regarde Tour des Manèges. Alors il faut pas être dérangé, on dirait papy et mamie. Hein. Enfin, mon feuilleton, hein. Tu sais que t'arrives à ce moment-là, ils te foutent dehors du studio. Comme dans les feux de l'amour. Ouais. Ah ouais, oh là, faut pas les déranger pendant Tour des Manèges. Oh là là, ils regardent. Hein. Ils regardent. Enfin, bon, on refera un tour du côté de Tour des Manèges demain. Qu'est-ce qu'il y a J'ai vu la photo d'identité de Jean-Paul Trébert. Et à chaque fois que je la vois, ça me fait un peu mal. Ouais. Oui, bah oui, c'était sur LCI. Hein. Merci LCI d'ailleurs. C'est pas Jean-Pierre? Jean-Pierre Trébert? Non, je sais pas. Non, du coup, je ne sais pas. Les photos de Trébert en cavale. Voilà, en fait, c'est tout simplement ça, c'est ce qu'il y avait marqué sur LCI. Bon, Allez, pour l'euro. Ah, oh, ça manque d'un petit dépit. Ouais, à la fin, d'un petit... une cloche à la fin. Ouais, c'est Jean-Pierre. Hein. C'est Jean-Pierre Trébert. Ah, très bien. Donc, ouais, c'est vrai que ça manquait d'un truc, mais enfin, bon, il faudra en reparler à Charlie Oleg. Qui est vivant. Ouais, c'est exactement ce que j'étais en train de me demander. Charlie Oleg, le nouveau Steam. Si je comprends. Ouais. C'est celui qui avait fait, cette musique horrible qu'on vient de mettre et qui l'avait faite, mais à l'époque de Tournée Manège, il y a longtemps. Hein. Il était derrière un synthé pendant toute l'émission. Il était déjà vu à l'époque, donc. Il se faisait bien chier avec, avec son piano pourri. J'avoue que ça m'inquiète maintenant. Enfin, non, mais je pense pas. Ce serait sympa, en tout cas, s'il y a encore des gens qui viennent faire une petite interview plus live. Et moi je propose un truc qu'il fasse ça mais dans une nouvelle émission, on ferait une petite maquette Sandro pour Sandro. C'est le dimanche soir, Sandro toute seule, minuit 2h. Un drame. Oh l'angoisse. Un drame. Allez, minuit l'heure. Non, avec Charlie Oleg qui fait tous les beds. On a énergie featuring, là ce sera énergie biturique. Attention, tu vas agresser par un fou là qui vient de rentrer dans le studio. Ah bah c'est l'heure, hein, c'est l'heure de partir là. Eh Pablo, oh là, 2 minutes de trop là. Eh Pablo, Pablo qui va rester un peu plus longtemps parce qu'il fait polo chaud ce soir. Ah ah. Ça s'appelle le polo chaud. Le polo chaud, ouais, ouais, bien sûr. Tu vas être là, t'es co-animateur apparemment. Il a sorti un album en 2007, Charlie Oleg. Ah bon, ouais. Je croyais que tu parlais de Pablo. Comment il s'appelait tu l'as le nom de l'album? Non, parce que Pablo, il faut le savoir, il nous a fait peur, hein, parce que bon, il est quand même de masse importante. Et donc, de grosse facture. Voilà, avec une espèce de bonnet sur la tête, avec une grosse doudoune, car rappelons que nous sommes en premier automne seulement. Hein. Ah oui. Nous sommes en automne. Que va-t-il se passer quand on sera en plein janvier, tu vois, où il va vraiment faire froid? Alors, je sais pas comment il mettra sa deuxième doudoune. Non mais c'est dingue. Bon allez, on se quitte. Attends, j'ai pas eu sur l'album. Variation. Le nom de l'album de Charlie Oleg. Variation personnelle. Ah ouais. Bon, bah écoute, très bien. Michael, le podcast. Minuit 10, l'heure de passer maintenant au POLO show, et d'ailleurs avec de plus en plus d'auditeurs, hein, pour le polo show. Non, mais c'est vrai, rigole pas, j'ai rencontré quoi, mais non, mais ça c'est le standard est en train de se charger. Non, c'est comme un chargeur de tu vois, de fusil à pompe. Voilà, c'est parce que en fait on passe nos journées maintenant avec Polo à aller voir du monde et à leur parler du polo show. Ouais. On salue d'ailleurs peut-être l'ingénieur qui nous écoute ce soir. Ouais. Exactement. On salue également. Fais attention sur sa moto, apparemment il fait. Voilà. On salue également Monsieur Fly peut-être qui nous écoute ce soir. Ouais. Et puis tous les autres, tous les nouveaux et anciens auditeurs bien sûr pour le polo show. Carl s'il nous écoute. Voilà. Allez, let's go. Monsieur A. Ouais. Il va être là en plus, ouais, ce crétin. Bon, je vais clair. Saluer des filles tout à l'heure qui étaient au quatrième. Enfin bon, dans le bureau. On va raconter ma vie. Oui, elle a dit d'ailleurs que si tu la saluais pas, ça a échauffé pour ton cul. Ouais, mais en fait elle oh, pense. Le bouffon, non. Il le fait. Non, je suis pas un bouffon, c'est qu'elle est en train de mettre en doute, ferme ta gueule Roux. Elle est en train de mettre en doute le fait que je sois animateur. Enfin, je suis pas un vrai animateur, mais je suis quand même un animateur. Ouais. Donc je salue Sandra et Audrey. Oh là là. Ah, d'ailleurs, la preuve que Polo est un animateur. Jingle. Salut, c'est Amine, vous êtes sur... Oh non, pas cette merde. Je passe pour un con avec ça. On peut pas mettre les Black Eyed Peas? What's up? Hey, what's up, this is the Black Eyed Peas. C'est bon ça, non? And you're watching the boop, boop, boop, boop, polo. Je me souviens pas du numéro de téléphone du standard, mais est-ce que tu peux le donner, Mike, s'il te plaît? 0870 42 48. Vous pouvez appeler Michel qui est là au standard et qui fait son travail comme une merde. Voilà, on va commencer le polo show tout de suite avec un premier auditeur. C'est la dèche. Quoi? C'est la dèche. Si on commence par toi, c'est que ça devient grave. Arrête de me dire monsieur A. Ouais, monsieur A, qu'est-ce que tu veux? Polo. Ouais, je t'écoute. Ouais, alors Polo, tu sais quoi? Ben écoute, je vais te dire quelque chose, mon popopopopo. Bon, je t'écoute, monsieur. Il y a monsieur Fly qui est là. Ouais, qu'est-ce qu'il veut? Voilà. Ta gueule. Oh là là, quelle agressivité. Quoi? Il se défoule, ça fait 5 ans que tu... Allez, viens-le. Ça fait 5 ans que le public a gardé tout ça en lui, il veut lâcher ça. On va écouter... monsieur, on va écouter un peu de pub parce qu'on a un petit problème de standard, ça marche plus, d'accord? Non. Attends, arrête de me prendre la tête. Allez, pub, allez, casse-toi. Un problème papa, de standardiste. Pourquoi tu déverses du lait? Papa, pourquoi tu déverses du lait? Papa, comment on devient producteur de lait? Alors, Si papa déverse du lait, c'est parce que papa gagne pas assez d'argent avec son lait. Parce que papa commence à en avoir plein le cul, que le gouvernement le prenne pour un con. Et que si ça continue, papa il pourra plus payer le loyer, ni tes chaussures, ni les putains de céréales que t'arroses avec ton lait. T'as compris maintenant pourquoi papa déverse du lait? Plus que jamais, l'essentiel est dans la paye. Hey, what's up? This is Matt from Bullet for My Valentine and you're listening to the Pop Pop Pop Pop Polo Show. Le public est là ce soir, c'est un nouveau public que j'ai casté la semaine dernière. Il peut dire bonjour vite fait là. Ah, c'est un public un peu agressif, ne vous énervez pas. Peut-être dédicace au roux. Hop là, voilà, parce que je sais que le roux écoute bien, il aime bien cette émission. Il m'a dit qu'il était fan du Polo Show et qu'il se faisait des podcasts. Monsieur A, toujours. Je tiens à dire qu'on n'aura que Monsieur A aujourd'hui puisqu'on a un petit problème de standard. Hein. Monsieur A. Oui, je t'écoute. Tu sais que A, c'est qu'on parle de toi parfois. A, tu sais qu'on parle de toi parfois. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Où ça? Bah, dans la rue, les gens me disent mais qui est cet idiot? Qui est ce crétin qui t'appelle? Tu leur as dit qu'il y avait quelqu'un derrière la porte? Oui, d'ailleurs, il y a l'hôpital. À Sainte-Anne, on m'a appelé, on m'a dit est-ce que ça serait pas quelqu'un qui s'est sauvé de l'hôpital? Non, Polo, pas du tout. Bon, allez, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Allez, on y va. T'as ton passeport, t'as une porte. Tu passes par la fenêtre parce que t'as peur d'ouvrir la porte. Il y a un mec qui sonne à ta porte depuis 4 ans. Tu n'as jamais ouvert ta porte. Non. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, t'as arrivé pour le bout là encore, d'ailleurs. Bon, il est là, d'accord. Et ben, tu sais quoi? Dis-moi. Il m'a mis une merguez. Il t'a mis une merguez, il te l'a mis où? Bah il me l'a mis, pas dans mon cul. Ah bah oui, ça m'étonne pas. T'as un problème avec ton téléphone, monsieur A? Polo? Ouais, t'es où là exactement? Là je suis sur mon lit. T'es sur ton lit mais on t'entend mal. Ah bah attends, j'enlève le haut-parleur. Ouais, enlève le haut-parleur, c'est mieux. Ah bah voilà, c'est mieux tout de suite. Oui, je t'écoute. Alors Polo, j'ai reçu une merguez. D'accord. C'était quoi une merguez comment voilà. C'est quoi c'est quoi de la merguez classique, halal Eh ben c'est une merguez. C'est Monsieur Aziz. Ah d'accord. Polo. Oui. Eh ben il a mis quelque chose sur le mail. Oh, mais je... Monsieur A. Monsieur A. Bon allez, on y va. On va y aller. Garde patience. Le Polo Show va bientôt se terminer. H-5 secondes. Et pour terminer ce Polo Show tout en beauté, il était médiocre, hein, je veux dire, mais on a un problème de standard, je travaille pas l'audio. Monsieur A, faut conclure maintenant, faut conclure. Ouais, eh ben je viens de penser à un truc. Quoi? Est-ce que les grilles l'entendent? Oui, tout le monde entend. Là, il y a tout un public, il y a tous les animateurs qui sont là, tout le monde voilà, est là. Voilà, tous ces grands animateurs. On a fait une réunion. Oui, il y a Sandro qui est là, qui t'écoute, elle est toute oui quoi. Est-ce que Baba est là? Non, il est pas là. Polo, j'ai pensé à un truc. Quoi? Eh ben, tu sais quoi? Ah, en roue, ça se... Oh là là! Il a un problème! Il a des problèmes de gaz. Bon, monsieur, tu dis au revoir, on va y aller. Allez, tu dis au revoir tout de suite! Ouais, ou je te raccroche. J'ouvre la dis porte! Dis au revoir! Ferme la merde! Au revoir! C'est pas possible! Tu sais pas dire au revoir! J'ouvre la porte, Polo! Dis au revoir! J'ouvre la porte si t'arrêtes le Polo Show! J'ouvre la porte si t'arrêtes le Polo Show! Non! Allez, casse-toi. Moi, je te raccroche au nez. Hein, s'achève le Polo Show. Merci à ceux qui l'ont écouté. Merci surtout à ceux qui ne l'écoutent pas. Grâce à eux, je suis dernier. Et merci au public venu nombreux ce soir. Un peu agressif, le... Quelle agressivité. Mickaël, tous les soirs, 21h minuit sur Énergie. Et l'intégrale en podcast sur énergie.fr.